parler des détracteurs des bonnets rouges. Okay, c'est la campagne. Voilà. Donc les bonnets rouges et leurs détracteurs. Alors ceux qui ont vu le programme d'Hermine au fur et à mesure des mois, ils ont vu que le titre changeait parce que je cherchais le mot détracteur dans ma tête, je le trouvais pas. Donc j'ai mis les délateurs au début. Non. Après j'ai mis les contempteurs. Puis après, c'est détracteur. Il y avait tellement de tracteurs. C'est ce que je lui ai proposé hier. Je lui ai dit maintenant tu pourras mettre deux tracteurs. Voilà. Donc je vais peut-être prendre ma communication d'ailleurs. Tu sais pas ça par cœur ? Bah non, parce qu'il y a quand même plein de détails que je voudrais bien ne pas oublier. Donc on va commencer par présenter un peu l'arrière-plan du mouvement des bonnets rouges. Et d'abord l'arrière-plan français. La France est frappée aujourd'hui par une triple crise. Elle n'est pas la seule, bien sûr. Il y a en premier lieu la crise de la première modernité, ce qu'on appelle la première modernité, c'est-à-dire cette crise se caractérise par un amoindrissement de la souveraineté de l'État, une appropriation réflexive de la modernité, ça c'est l'expression de Giddens dans son ouvrage sur les conséquences de la modernité, et une irruption de l'autre avec un grand A, dans la cité, et ça c'est pas mal développé par Ulrich Beck dans ses travaux sur la mondialisation. Donc ça c'est la première crise, si vous voulez, une crise de ce qu'on appelle la première modernité. En second lieu, la France est devenue un des pays les plus touchés dans la zone euro par la crise économique mondiale. On le voit notamment au taux de chômage. Et puis, elle est minée aussi par une crise morale. Donc, crise de la modernité, crise économique d'autre part, et puis crise morale. Les élites politiques françaises se sont montrées inefficaces dans leur lutte contre le chômage et pour le maintien du pouvoir d'achat. Voilà, on a des statistiques très nombreuses là-dessus. Elles ont été déconsidérées par de nombreuses affaires judiciaires, parmi lesquelles, elles sont très nombreuses, hein, mais parmi lesquelles on peut citer l'affaire Big Malion, l'affaire Cahuzac, etc. Et ces affaires nombreuses, liées aussi donc au fait que le chômage se maintient à un niveau élevé et que le pouvoir d'achat ne progresse pas ou régresse, eh bien ça amène beaucoup de doutes dans la société française, des doutes qui sont mesurés régulièrement par les sondages, doutes sur la capacité économique des élites et doutes sur la capacité économique de l'État, d'une part, et puis aussi ce qui a été qualifié par l'Ipsos de défiance farouche, une défiance farouche envers le politique, c'est-à-dire un très vif scepticisme dans l'ensemble de la population française par rapport aux politiques. Alors c'est dans ces circonstances particulières qu'un coup de boutoir est venu de Bretagne, fin 2013, le mouvement des bonnets rouges. Alors il y a eu plusieurs étapes, mais ce qui a commencé à marquer les esprits, c'est cette manifestation qui a eu lieu à Pont-de-Buis le 28 octobre 2013, où plusieurs centaines de personnes coiffées d'un bonnet rouge, donc une irruption sur la scène politique, puisque personne ne savait trop ce que c'était que le bonnet rouge, donc ça a attiré l'attention, donc on se sont attaqués à un portique Ecotax. Alors, pourquoi le port du bonnet rouge? Vous le savez bien, c'était en référence à une révolte qui s'est produite en 1675 en Bretagne. Ce n'est pas une gravure d'époque. J'ai oublié de le mettre, mais on a un tableau d'époque, c'est tout à fait remarquable. On a un tableau critique par rapport à la politique de Louis XIV, donc peint sous Louis XIV. Et je vais vous le chercher tout à l'heure, je l'ai là. Je ne sais pas ce qu'il est advenu du peintre, hein, parce que c'est quand même très, très, très difficile de critiquer la politique de Louis XIV. Donc voilà, cette irruption, en quelque sorte, des bonnets rouges, de l'objet bonnet rouge, faisait référence à la révolte de 1675. Les manifestants ont pris d'assaut un portique Ecotax. Alors, je rappelle que le portique Ecotax, c'est un dispositif de contrôle qui est très sophistiqué. C'est équipé de capteurs laser, de récepteurs radio de fréquence, de caméras vidéo, etc. Et chaque portique Ecotax coûte environ entre 600 000 euros et 1 million d'euros. Ces portiques étaient destinés, comme vous le savez, à calculer et à percevoir une taxe qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2014 sur les poids lourds de plus de 3,5 tonnes qui circulaient sur les réseaux routiers français, national et départemental. Voilà quel était l'objectif. Donc, lors de cette manifestation de Pont-de-Buis, se sont produits de violents accrochages qui ont posé donc les manifestants aux forces de l'ordre. Et l'un des manifestants a dit, ça rappelle l'époque de Lucet, ce n'est pas une manifestation, c'est un début de révolution. Ce n'est pas une émeute, si c'est une révolution. Voilà. Au cours de cette manifestation, un CRS et trois manifestants ont été blessés, et l'un des manifestants a eu la main arrachée. Et puis un appel a été effectué, un appel à manifester à Quimper le 2 novembre. Cet appel à manifester a été très largement suivi d'effet, puisqu'il y a eu une véritable marée de bonnets rouges à Quimper le 2 novembre. Bonnets rouges et drapeaux bretons, comme vous le voyez, donc ils ont déferlé sur la ville. Les estimations du nombre de manifestants à Quimper le 2 novembre varient de 15 000 selon la police à 30 000 selon les organisateurs. Finalement, les estimations sont relativement proches. On n'est pas entre 15 000 et 150 000, comme on trouve parfois. Donc là, c'est entre 15 000 et 30 000. Et puis, à Quimper, a été effectué aussi un autre appel à manifester, donc appel à manifester à Carré, le 30 novembre. Et là, il y a eu d'abord quelques affrontements avec la police à Quimper, mais relativement quand même... contenu. Et puis donc la seconde manifestation a eu lieu à Carré le 30 novembre et a encore ameuté beaucoup de monde puisqu'on avait selon la police 17 000 manifestants, selon les organisateurs 40 000. Voilà, donc ces deux grandes manifestations, ce sont les deux seules grandes manifestations des Bonnets Rouges, mais elles ont été importantes et puis très remarquables par cette utilisation de la symbolique du Bonnet Rouge. Qui était connu bien sûr des gens du mouvement breton, qui était connu des historiens, le Bonnet Rouge, qui était aussi connu dans la région de Carré, du Poer, il y avait le souvenir du Bonnet Rouge avait été cultivé, mais qui était beaucoup moins connu ailleurs en Bretagne. Et donc ces nombreux Bonnets Rouges là ont été distribués d'abord gratuitement, puis un tout petit peu au-dessus du prix coûtant par l'entreprise Armorius, comme vous le savez, qui en a fait venir beaucoup de consommateurs. Donc parallèlement à ces manifestations complètement pacifiques pour la deuxième, très majoritairement pacifiques pour la première, mais avec... Enfin non, la toute première que j'ai mentionnée, celle de Pont-de-Buis a été très violente. La deuxième manifestation que j'ai mentionnée, qui est la première grande manifestation à Quimper, il y a eu des affrontements, mais ils étaient quand même relativement limités. Et puis à Carré, il n'y a pas eu de... Voilà. Parallèlement à ces manifestations, il y a eu aussi des destructions. Donc 5 portiques Ecotax ont été détériorés ou détruits par des bonnets rouges en divers points de Bretagne. Donc je vous rappelle, chaque portique c'est entre 600 000 euros et 1 million. Donc ça fait 600 000 multiplié par 5, ça fait entre 3 millions et 5 millions d'euros de destruction. Donc 5 portiques Ecotax ont été détériorés. Et puis, d'autre part, il y a une dizaine de bornes Ecotax aussi qui ont été détruites. Donc les bornes Ecotax, c'est des bornes mobiles de contrôle que les forces de l'ordre installaient en complément des portiques pour effectuer des contrôles ponctuels. Et à ça s'ajoute une cinquantaine de radars routiers qui ont été détruits. Voilà, la carte des manifestations, vous voyez les manifestations que j'ai mentionnées, donc la petite violente là où le bonnet rouge apparaît à Pont-de-Buis, ensuite Quimper et Carré, donc tout ça, ça se situe en Basse-Bretagne, c'est représenté par les étoiles, et puis plus tard, mais ça c'est pas une manifestation, c'est un rassemblement, les états généraux des bonnets rouges se tiendront à Morlaix, donc, mais ce sera quelques mois après, en mars 2014. Voilà donc pour un petit peu l'événementiel, mais évidemment très, très ramassé, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, bien sûr. Alors, dans le contexte que j'ai décrit tout à l'heure, dans ce climat de défiance et de relative fragilisation du pouvoir qui caractérise la France, l'impact du mouvement des Bonnets Rouges a été très fort. Il était très fort. Tous les médias et les commentateurs politiques se sont tournés vers la Bretagne, se sont interrogés sur la portée, le sens de cet élan, qu'est-ce que ça signifie. Alors, pour le comprendre, on a vu un petit peu l'arrière-plan français. Il faut voir aussi le contexte breton, dans quel contexte breton a éclaté ce mouvement des Bonnets Rouges. Il a éclaté sur un fond de crise structurelle en Bretagne. Crise structurelle à plusieurs niveaux. L'agriculture bretonne est en proie, depuis une bonne vingtaine d'années, à de sérieuses difficultés. Des difficultés économiques, d'une part, avec la montée de la concurrence des pays à faible coût de main-d'œuvre, comme le Brésil et l'Europe de l'Est, qui pratiquent ce qu'on appelle du dumping social, l'augmentation des prix des consommations intermédiaires et la baisse des aides européennes. Ça, c'est l'aspect économique de la crise. Et puis, il y a d'autre part des difficultés écologiques, bien connues également. La pollution des eaux par le nitrate, et puis bien sûr la prolifération des algues vertes, le tout étant relié bien sûr en tout cas pas totalement, mais très largement à l'utilisation de fertilisants agricoles et de pesticides. Ça, c'est l'aspect agricole, mais d'un autre côté, on a une industrie en Bretagne qui, donc depuis très longtemps, ça a été analysé par Alain Evin, le président du Conseil économique et social de Bretagne. L'industrie en Bretagne est insuffisamment diversifiée. C'est-à-dire qu'en gros, on a quatre piliers à l'industrie bretonne, essentiellement les industries agroalimentaires, qui constituent le principal pilier, là où il y a le plus d'emplois. Et puis autrement, la construction automobile, avec très peu de donneurs d'ordre. En fait, il n'y a pratiquement qu'un seul donneur d'ordre qui est Citroën dans la région rennaise. Les télécoms et l'électronique dans la région de Lannion, mais dont on voit la grande fragilité à chaque fois qu'il y a une crise dans l'électronique, et même tout de suite, ça se traduit par des vagues de licenciements dans le Trégor. Et puis la construction navale, avec là aussi très peu de donneurs d'ordre. Donc on a une industrie en Bretagne qui est relativement importante en volume d'emploi. Je crois que la population, sauf erreur de ma part, la population active employée dans l'industrie en Bretagne est aux alentours de 21%, ce qui est bien, ce qui est même au-dessus, si vous voulez, de la moyenne française aujourd'hui. Mais c'est une industrie qui est très peu diversifiée et qui est très sensible aux crises. Et là, donc, on a vu la crise éclater dans le domaine des industries agroalimentaires. Alors, la Bretagne, jusqu'à 2010, était relativement épargnée par le chômage. Alors, il y a eu du chômage en Bretagne, évidemment, mais si on prend la moyenne française, la Bretagne était épargnée jusqu'à 2012. Et puis, en 2012, on a l'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi la plus importante de France. Et ensuite, en 2013, on a une série de plans sociaux dans les industries agroalimentaires bretonnes, et puis dans d'autres industries aussi, parce qu'on a aussi des licenciements à la jamais, c'est d'ailleurs là qu'a commencé la contestation, à la jamais. Mais ce qui a le plus frappé les esprits, c'est les plans sociaux dans les IAA, dans les industries agroalimentaires. Alors les chiffres qui sont là, c'est des chiffres que j'ai pris dans la presse, donc ils sont à prendre avec des pincettes, puis ça change selon les moments, etc. On voit quand même GAD à l'Empile Guimilio qui est particulièrement touché, Marvin Harvest par exemple, à Poulaouen et à Château-Giron, etc. Mais bon, les chiffres sont approximatifs. Et puis selon les moments, les plans sociaux varient. Et donc selon les sources que j'ai pu trouver, j'ai des estimations parfois un peu gonflées et puis parfois, au contraire, très proches de la réalité. En tout cas, à l'époque, on parle d'une menace sur 7000 emplois. Donc 7000 emplois menacés en Bretagne, c'est absolument considérable à l'échelle de la péninsule. Et ça met l'opinion bretonne en état de choc. Il y a un véritable état de choc qui est mesuré par sondage par l'IFOP. Et donc, c'est tout à fait frappant, puisque, et donc, avant le mouvement des Bonnets Rouges, l'optimisme des Bretons pour l'avenir économique de la Bretagne était de 76% en décembre 2012, donc très, très important, et il passe en octobre 2013 à 33%. Donc vous avez un effondrement, c'est vraiment très très important, un basculement de l'opinion qui, aux trois quarts, était optimiste sur l'avenir économique de la Bretagne et qui ne l'est plus que pour un tiers en moins d'un an, en 10 mois. Donc en octobre 2013, c'est-à-dire juste avant les événements dont j'ai parlé. Alors, c'est dans cette situation tendue. Alors, on a vu le contexte général français, on a parlé un petit peu des événements, et c'est donc dans cette situation tendue en Bretagne que le projet du gouvernement d'instaurer une écotaxe sur les poids lourds intervient et est mal perçu. Alors, par qui est-il mal perçu? Pourquoi est-il mal perçu? Alors, il n'est pas mal perçu par l'ensemble de la population, notamment les écologistes qui étaient plutôt favorables, les gens qui étaient proches du Parti Socialiste, enfin, qui avaient des responsabilités, etc., ils étaient plutôt favorables, etc. Puis c'est un projet qui, au départ, avait été voté presque à l'unanimité. Hein. Il y avait un avis favorable à gauche, à droite, etc. Alors, pourquoi il est mal perçu? Parce que il est perçu comme un impôt qui, au lieu d'être un impôt pollueur égale payeur, devient un impôt, et ça a été dit souvent, périphérique égale payeur. Pourquoi? Parce que vous avez bien vu, c'est un impôt sur les poids lourds circulant sur les nationales et sur les départementales. Et donc tous ceux qui se trouvent écartés de ce qu'on appelait avant la banane bleue, enfin de la zone européenne, tout ce qui se trouve en périphérique, eh bien se disent on va être particulièrement pénalisé. Donc ça va être notamment mis en avant par le patronat, mais aussi par les producteurs, comme les producteurs agricoles, les marins pêcheurs, etc. Ils vont mettre en avant le fait que eux vont se trouver particulièrement pénalisés parce qu'ils se trouvent en périphérie par rapport à l'Hexagone, si vous voulez, mais aussi par rapport à l'Europe. D'autre part, il y a un mythe en Bretagne, mais qui est très largement partagé, selon lequel, dans le mariage entre Anne de Bretagne et Louis XII, il y aurait une clause disant qu'il ne devait pas y avoir de route payante en Bretagne. Alors c'est complètement un mythe, évidemment, mais enfin, beaucoup de gens pensent que c'est vrai. En réalité, il y a quand même quelque chose, c'est qu'en 1960, enfin donc pas en 1960 égale, mais dans les années 60, De Gaulle avait décidé de doter la Bretagne d'un réseau routier développé. Il y avait été aussi vivement incité par un lobby breton qui s'appelait le CELIB. Donc, et il avait doté la Bretagne d'un réseau routier de qualité et gratuit. Et ça, c'est vu pour ceux qui connaissent, qui ne sont pas dans le mythe, mais qui connaissent un peu l'histoire, ça c'était vu comme une sorte d'avantage acquis pour la Bretagne. Voilà, on a des routes, c'est pas des autoroutes, hein, c'est pas tout à fait des autoroutes, mais on a un beau réseau routier, il est gratuit, voilà, c'est un avantage qu'on a acquis. Pour les uns acquis depuis la Duchesse de Sade, pour les autres qui savaient un peu l'histoire depuis les années 60, mais en tout cas, cette mise en cause de la gratuité des routes bretonnes a été perçue à la fois comme une pénalisation des activités productrices bretonnes, et puis d'autre part, donc, comme la mise en cause d'un avantage. Alors, l'opinion bretonne, je vous le disais, se trouvait en état de choc à la suite des plans sociaux. Et c'est cette opinion bretonne en état de choc qui a constitué le terreau de la contestation. Mais l'opposition n'est pas venue d'abord de l'ensemble de l'opinion bretonne, elle est venue du patronat, qui s'est opposé à l'écotaxe. Alors, il y a eu d'abord, je crois, une réunion à Pontivy, mais c'est lui qui a commencé à mettre en cause cette écotaxe, qui a appelé à faire une sorte de glas des entreprises. Donc c'était, je crois, fermer des entreprises pendant une heure pour manifester contre l'écotaxe. Donc c'est le patronat qui a commencé, et puis le patronat a joué habilement, c'est-à-dire qu'il a mis en avant la symbolique bretonne. Il y avait des drapeaux bretons dans les manifestations, de manifestation, mais dans les flyers que distribuaient les patrons dans les supermarchés, c'était pas les patrons eux-mêmes qui les distribuaient, mais qui faisaient distribuer, il y avait des drapeaux bretons, et puis après ils ont appelé à un réflexe anti-jacobin, etc. Donc des choses qui caressaient un petit peu les bretons dans le sens du poil. Et la lutte contre l'écotaxe est devenue, en Bretagne, progressivement, un objectif fédérateur pour de vastes proportions de la population bretonne. Ça a servi de catalyseur. Alors, donc, j'ai parlé tout à l'heure des manifestations, en particulier donc, de Quimper et de Quimper. Les foules qui ont été rassemblées lors de ces manifestations étaient des foules diverses. On a vu principalement converger des ouvriers qui venaient d'entreprises frappées par des plans de licenciement ou menacées de plans de licenciement, et puis des agriculteurs légumiers. C'était une force de frappe dans les manifestations, les agriculteurs légumiers, ils étaient très nombreux. Il y avait également, à leur côté, des marins-pêcheurs, des artisans, des commerçants, des chefs d'entreprise, pour ce qui est, voilà, si vous voulez, de l'origine sociale qu'on peut identifier par des témoignages. C'est toujours difficile de savoir exactement qui est dans une manifestation, et là c'était particulièrement complexe, si vous voulez. Sur le plan politique, donc la manifestation, enfin politique et des dirigeants, si vous voulez, la manifestation a été appelée par le maire d'hiver gauche de Carré, donc Christian Troidec, le syndicat de salariés Force ouvrière, FO, le président du syndicat agricole FDSEA du Finistère, Thierry Mermet, et le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, CGPM des Côtes d'Armor, Jean-Pierre Lemat. Cette manifestation a attiré des organisations très diverses, non pas des organisations en tant que telles, mais des membres d'organisations très diverses. Il y avait des membres d'organisations patronales, donc la CGPME, que j'ai déjà mentionné, le MEDEF. Il y avait des membres de syndicats de salariés. Alors, syndicats de salariés, il y avait essentiellement FO, puisque une branche de FO y appelait. Il y avait aussi, paraît-il, beaucoup de gens de la CGT, bien que la CGT se positionne contre la manifestation. Il y avait des organisations d'extrême-gauche, notamment le NPA, Nouveau Parti Anticapitaliste, les Alternatifs, le Front de Gauche et Attac. Là encore, ce sont toujours des membres, ce ne sont pas les organisations en tant que telles. Et puis, il y avait des élus de gauche et de droite, dont à droite Marc Le Fur, vice-président de l'Assemblée nationale. Il y avait aussi des membres du Front National, et puis quelques groupes d'identitaires. Donc les identitaires, c'est un mouvement d'extrême droite, paraît-il, violent. Voilà. Voilà pour ce qui est des organisations. Et puis à ça, il faut ajouter beaucoup d'anonymes, qui, donc, je vous rappelle, c'est cet état de choc de la population. Donc, beaucoup d'anonymes sont venus là sans appartenir à aucune organisation, mais témoigner de leur solidarité envers les ouvriers menacés par les plans de licenciement. Voilà à peu près ce qu'on peut retrouver. Alors, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de ticket de manifestation. Donc, tout ça s'est reconstitué a posteriori à partir de ce que j'ai pu retrouver en fait, sur le net. Il y a quand même pas mal de témoignages, donc c'est comme ça que j'ai procédé. Voilà, on est toujours dans mon introduction. Longue introduction. Je vais peut-être mettre là pour voir où on en est. Et donc, on arrive à la dernière partie de l'introduction quand même. Et ce que je voudrais mettre l'accent, ce sur quoi je voudrais mettre la focale, si vous voulez, ce n'est pas tant, vous l'avez compris, je l'ai dit en quelques mots au début, sur le mouvement des bonnets rouges en lui-même, que sur l'observation et les commentaires qui ont été faits. Alors sur le mouvement des bonnets rouges, on a eu beaucoup de témoignages qui ont été publiés dans la presse ou sur Internet, j'en ai fait un collectage. On a eu aussi des analyses qui ont été publiées, il y a des ouvrages qui ont été publiés. Aussi, je pourrais vous donner une bibliographie, si ça vous intéresse, ou la mettre en ligne quelque part. Ces témoignages et ces analyses sont très contrastés, très très contrastés. On a vraiment des positions très très fortes sur ça. Alors moi, ce sur quoi je voudrais donc que nous focalisions notre attention, c'est sur les commentaires négatifs qui ont été émis dans la presse essentiellement, par des hommes politiques, par des observateurs reconnus, patentés, si vous voulez, des gens qui se considèrent qu'ils ont autorité à s'exprimer. C'est sur cela que je voudrais focaliser l'attention, parce que j'ai trouvé que ces commentaires qui étaient émis étaient parfois d'une très grande sévérité. Si vous voulez, il n'y avait pas toujours beaucoup de nuances. Et donc, je me suis dit, là, il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose à creuser. Et ma façon de travailler, ça a été une façon très geek, c'est-à-dire que j'ai utilisé Google Alert. J'ai envoyé tout ce qui apparaissait et qui contenait des éléments d'analyse ou des témoignages. J'ai envoyé tout ça sur un alors je ne fais pas de publicité ni pour Google, ni pour l'autre logiciel que j'utilisais qui s'appelle Evernote. Donc j'ai un peu entassé tout ça. Et puis après, j'ai pu travailler de cette façon. Alors évidemment, on peut me dire que ce n'est pas très scientifique dans la mesure où Google Alert peut manquer des éléments importants. En même temps, je me dis que Google Alert est quand même assez sérieux, assez riche. Et que pour un article, j'aurais difficilement pu utiliser une masse de documentation plus importante. Une autre façon de travailler, ça aurait été très scientifique, c'était de prendre tout ce qui était paru dans la presse, par exemple du 2 au 30 novembre. J'aurais pu faire ça, mais ça c'est extrêmement important. Si vous voulez, j'ai eu une doctorante déjà qui avait voulu travailler sur tout ce qui paraissait dans la presse pendant une semaine. Et elle avait été effrayée par la quantité de choses qui paraissent dans la presse pendant une semaine. Donc voilà, du 2 au 30 novembre, il y avait de quoi vraiment faire une tête. Donc je me suis contenté des alertes Google, et ça m'a donné beaucoup de matière. Et donc dans les commentaires, en gros, ce qui ressort, c'est que c'est un mouvement hétéroclite, pas hétérogène, pas composite, pas complexe, hétéroclite, donc il y a derrière quand même un peu un jugement de valeur, un mouvement qui relèverait du poujadisme, voire de l'extrême droite. Donc voilà en gros, si vous voulez, ce qui est très fort. Et donc, comme tel, ce mouvement serait indigne de l'héritage des révoltes des bonnets rouges, et ce serait une manipulation de l'histoire. Donc voilà en gros, si vous voulez, ce qui domine. On va rentrer tout à fait dans le détail à ce sujet. Cette idée d'une manipulation de l'histoire, à propos des bonnets rouges, bon, ça n'est pas nouveau. Les bonnets rouges, ils ont marqué et ils ont déjà été utilisés politiquement. Alors, les événements de 1675 ont profondément marqué les populations. Ça, c'est ce que dit... alors là, je ne suis plus dans l'époque contemporaine, je fais un petit tour dans le passé, mais puisque c'est l'utilisation de la symbolique de la révolte des bonnets rouges, un petit tour dans le passé. Donc d'après Alain Croix, ça a marqué plusieurs générations en Basse-Bretagne. Et il se trouve qu'il y a une complainte qui a été recueillie, donc vraisemblablement postérieure aux événements, et qui s'appelle « Ar Paper Tim », ou en français « La ronde du papier timbré ». Comment elle s'appelle, Eva Guiorel, qui a travaillé sur les archives judiciaires, d'une part, sur la comparaison entre les complaintes et les archives judiciaires, dit que dans les archives judiciaires, les gens font allusion au bonnet rouge pendant trois générations. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais moi, j'étais pas un bonnet rouge, dans ma famille, on n'est pas des bonnets rouges, nous, quand on va témoigner en justice, si vous voulez, quand on est mis en cause pour avoir commis un crime, etc., on se retourne vers son adversaire, puis on dit « Mais moi, ma famille n'était pas dans les bonnets rouges, comme vous, etc. » Et donc, ce souvenir des bonnets rouges, il reste donc un souvenir employé dans les archives judiciaires, enfin, dans les témoignages au cours des procès, ce qui montre combien il est vif, il est présent dans les esprits, pendant trois générations. Et elle dit « Trois générations », c'est ce qui correspond exactement à l'extension de la mémoire intergénérationnelle, au-delà de laquelle les anthropologues notent que le souvenir familial se tarit ordinairement. Voilà. Donc on est dans le domaine de ce qui est possible, transmission sur trois générations du souvenir vivant. Mais dans certaines familles, semble-t-il, on a dépassé l'ordinaire. En effet, dans les années 1920, Père Jacques Elias dit qu'on parlait encore des bonnets rouges dans sa famille. Année 1920, ça fait plus de trois générations par rapport à 1675. Voilà ce que lui aurait dit son grand-père, que deux de leurs ancêtres, dont l'un était âgé, je cite Jacques Elias, dont l'un était âgé de 14 ans, pas un de plus, auraient été pendus aux arbres de Guilguiffin après la révolte des bonnets rouges, pendu par le duc de Chaulnes, le duc damné, qui n'arrête pas de bouillir au feu de l'enfer, même après le jour du jugement dernier, le salaud. Donc voilà ce qu'écrit Père Jacques Elias dans les années 1970, de ses souvenirs des années 20, de ce que lui racontait son grand-père. Alors, ça, on peut se dire, bon, Jacques Elias, peut-être qu'il exagère un petit peu, etc. Bon, il y a quelque chose qui plaide pour l'authenticité de son témoignage, c'est qu'il vivait au pays Bigoudin, que le pays Bigoudin est donc une des zones qui ont été très marquées par les révoltes, et aussi une zone où les révoltes sont restées dans le paysage architectural, puisque plusieurs clochers avaient été rasés par mesure de répression symbolique par les troupes de Louis XIV, c'était déshonorer le village ou la commune de raser le clocher. Et certains de ces clochers n'ont jamais été rebâtis par la suite. Ils sont restés rasés. Donc, si vous voulez, un enfant peut dire, tiens, grand-père, pourquoi est-ce que ça a été rasé? Et puis là, le grand-père, voilà, il peut raconter l'histoire des bons héros. Donc, il y a une vraisemblance à ce que le souvenir soit réellement resté vivant de bouche à oreille dans certaines régions, comme le pays Bigoudin. Dans le pays du Poher, je vous disais, où j'ai vécu pendant un moment, le souvenir des bonnets rouges existait aussi. Mais bon, depuis quand est-ce que ça s'était transmis de bouche à oreille, ou est-ce que ce n'était pas la réactivation dont il était question? Parce que, et c'est là-dessus que je voulais attirer votre attention, il y a eu une réactivation de la mémoire à partir des années 30. À partir des années 30, la symbolique des bonnets rouges commence à être un peu utilisée à des fins politiques par la SFIO, donc l'ancêtre du Parti Socialiste, d'une part, et puis par le mouvement nationaliste breton de gauche et fédéraliste, d'autre part. Donc on a déjà une petite concurrence mémorielle qui apparaît, enfin une petite, parce que ce n'était pas un terme très très développé, dans les années 30, entre la SFIO locale qui utilise le souvenir des bonnets rouges, et puis d'un autre côté, le mouvement breton nationaliste fédéraliste de gauche. Mais là où vraiment l'utilisation politique de la symbolique des bonnets rouges devient très forte, c'est dans les années 1970. Alors pourquoi dans les années 1970 est-ce qu'on a cette explosion un peu mémorielle par rapport aux bonnets rouges? Il y a trois explications à ça. Première explication, il y a un phénomène mondial à l'époque d'ethnic revival, de renaissance ethnique. Ce phénomène est vraiment mondial, il se produit aussi bien en Amérique du Nord qu'en Union soviétique, en Europe, il se produit, en Amérique du Sud aussi, il se produit un peu partout. Il y a une renaissance, et en Bretagne, eh bien, on connaît cette renaissance, avec notamment le rôle de la musique, d'Alan Stevens, etc. Il y a une dimension musicale, et puis une dimension politique. Il y a une prolifération de micro-partis bretons, nationalitaires, nationalistes, autonomistes, de gauche, de droite, etc. Il y a une prolifération dans les années 70. Mais liée à un contexte mondial. Donc ça, c'est l'ethnic revival, premier phénomène. Deuxième phénomène, à partir des années 60, le mouvement breton, globalement, il y a toujours évidemment des tendances minoritaires, mais globalement, s'ancre à gauche. Et il veut se montrer de gauche, il veut montrer patte rouge, si vous voulez. Donc il va cultiver la symbolique de gauche. Ça, c'est le deuxième élément. Et puis, troisième élément, eh bien, c'est le 300e anniversaire de la révolte qui arrive en 1975. Donc ces trois éléments convergents font qu'il va y avoir beaucoup de publications, des petits bulletins du PSU, Parti Socialiste Unifié, donc tendance autogestionnaire, socialiste autogestionnaire, et puis avec aussi des idées autonomistes, écologistes, l'UDB, Union démocratique bretonne, le Parti communiste, etc. Donc on va avoir des bulletins comme ça qui vont faire référence au bonnet rouge. On va avoir aussi des publications scientifiques. Je ne sais pas si on pouvait disposer de publications scientifiques avant 1975. Là, on va voir paraître coup sur coup l'ouvrage de Garland et Nière, donc deux membres du Parti communiste qui ont fait un livre très intéressant dont le titre est, je ne me souviens plus, en gros, les révoltes bretonnes de 1675. On va avoir la publication d'un ouvrage qui réédite le travail de la Borderie donc au XIXe siècle, qui ajoute le travail d'un historien soviétique qui s'appelle Boris Porchniov, qui avait travaillé dans les années 40 sur les bonnets rouges, c'est un spécialiste des révoltes populaires en France d'ancien régime, et puis en plus un texte d'un mouvement indépendantiste qui appelle ESB, Emsaus, Stadelbrecht, hein, c'est ça. Donc voilà cet ouvrage qui paraît. Donc des ouvrages avec des données scientifiques, des bulletins. À ça s'ajoutent des manifestations culturelles. Bon, tout particulièrement la pièce de théâtre de Paul Kainec qui s'appelle Le Printemps des Bonnets Rouges. Paul Kainec à l'époque est connu. Hein, Paul Kainec, c'est un poète et dramaturge breton qui était connu dans les années 70, c'est l'un des fondateurs de l'UDB, mais c'est aussi une grande plume qui a un peu sombré dans l'oubli aujourd'hui, mais sa pièce de théâtre est jouée à la cartoucherie de Vincennes par le Théâtre du Soleil, donc ça lui donne un très grand retentissement, un retentissement national. Bon, il y a d'autres manifestations, il y a des chansons, il y a donc beaucoup de choses. Et puis, on a alors là vraiment une concurrence mémorielle entre le mouvement breton de gauche qui dit « Les Bonnets Rouges, c'est nous » et puis le Parti communiste dans la région de Carhaix qui dit « Les Bonnets Rouges, c'est nous ». Donc, opposition et opposition frontale entre ces deux tendances. C'est resté. Donc, on a cette concurrence. Et puis, le souvenir des Bonnets Rouges, ensuite, se banalise. Hein. Après, à partir des années 80, le souvenir des Bonnets Rouges se banalise. On le voit utilisé par des syndicats d'initiative. Donc, on voit le Bonnet Rouge, on voit une bière qui s'appelle Bonnet Rouge, etc. Donc, vous voyez, ça se banalise un petit peu, comme ça arrive souvent. Hein. Vous savez, quand on utilise quelque chose qui a un côté un peu provocant, après, la provocation, finalement, est utilisée par tout le monde et ça perd de son caractère provocateur. Néanmoins, les Bonnets Rouges continuent à paraître quelque peu sulfureux aux yeux du pouvoir d'État, puisque dans les années 2000, il y avait un panneau à l'entrée de la ville de Carhaix représentant des Bonnets Rouges, dont un avait une faux à la main. Et donc, il a été jugé que ce Bonnet Rouge avait l'air quand même trop méchant. Et donc, il a fallu refaire le panneau à la demande de la préfecture. Et donc, le Bonnet Rouge, c'est plus ce qu'il a à la main. S'il a le code paysan maintenant à la main, ça, voilà, ça fait moins mal qu'un coup de faux. Voilà, donc ce que je voulais vous dire là, je vais bientôt finir mon introduction. Ce que je voulais vous dire là, c'est que il y avait déjà eu donc utilisation et manipulation politique du symbole des Bonnets Rouges. Mais dans les années, enfin dans les mois, les derniers mois de 2013 et début 2014, les jugements qui ont été émis par rapport aux Bonnets Rouges ont été d'une telle sévérité que j'émets l'hypothèse, et donc c'est ce qu'on va essayer de vérifier, que les critiques, ce ne sont pas simplement des critiques, si vous voulez, fondées, mais c'est aussi, il y a aussi un rapport de domination symbolique. C'est ça que je voudrais essayer de montrer. Donc domination symbolique, pour ceux qui ne sont pas sociologues, hein, c'est un concept qui vient de la sociologie weberienne et qui a ensuite été très développé par Bourdieu. C'est l'idée d'une domination qui n'est pas fondée sur la violence physique, mais sur l'autorité que le dominant s'attribue et au nom de laquelle il impose ses normes. Voilà l'idée. Bien alors, je vais donc passer à ma première partie. En fait, mes parties après sont relativement brèves par rapport à l'introduction. Donc, je n'aurai que deux parties aujourd'hui, contrairement à mon habitude de trois parties. Une d'abord qui sera une mise en parallèle des manifestations de 2013 et de la révolte de 1675, sachant que je ne suis pas historien. Hein, je prends les travaux des historiens, je picore dedans, mais je ne suis pas historien. Donc, s'il y a des historiens dans la salle, je parle sous leur contrôle. Normalement, enfin, il y a Gauthier Aubert qui a dit qui s'est excusé de dire qu'il ne pourrait pas venir. Donc, c'est dommage, ça aurait été très intéressant. Il vient de publier un livre sur les Bonnets Rouges. Et puis la deuxième partie, ce sera une comparaison des propos donc des élites de 2013 sur les Bonnets Rouges avec les travaux qui ont été faits sur les représentations sociales traditionnelles de la population bretonne. Donc, première partie, Bonnets Rouges et Rouges Bonnets. De nombreux commentateurs ont critiqué ou moqué l'emploi de bonnets rouges par les manifestants de 2013. Et beaucoup d'entre vous avez lu cela sûrement. Le propos le plus argumenté est celui de trois historiens réputés qui ont publié donc une tribune intitulée « Non à la manipulation de l'histoire » dans le Télégramme. Donc là, c'est la version Internet. En se présentant bien comme historien. Et c'était pas une, comment dire, une libre opinion, c'était une tribune d'historien. Et donc dans cette tribune du 22 novembre 2013, ils affirment au sujet du mouvement des Bonnets Rouges, celui de 2013, que, je cite, « Depuis un mois, on assiste à une manipulation de l'histoire de la Bretagne à un degré rarement atteint. Leur démonstration qui repose sur l'assimilation du patronat contemporain aux nobles du XVIIe siècle est la suivante. La révolte de 1675, je les cite, qui oppose des paysans bretons à leurs exploiteurs bretons, est avant tout sociale. Il est symbolique que le révolté le plus connu, Sébastien Leval, soit assassiné par un seigneur. » D'accord ? Donc, parallèle entre les patrons et les seigneurs, et puis c'est un seigneur qui a assassiné le leader des Bonnets. En outre, ajoute-t-il, les révoltés ne s'en prennent jamais au roi. Donc, la participation de chefs d'entreprise au mouvement de 2013 relève, selon eux, de l'escroquerie intellectuelle, et l'association du port du Bonnet Rouge à la colère contre Paris, je cite, relève, je cite, du travestissement de l'histoire et débouche sur son instrumentalisation. Voilà donc pour le propos que je résume, je pense à peu près complètement, hein, même si après des détails en plus. Mais alors, ce qui m'a surpris, c'est que dans cette charge des trois historiens, les historiens oublient un pan de la révolte. Certes, la révolte était avant tout sociale, je crois que personne ne peut le nier, mais elle avait également une dimension revendicative bretonne qui a été soulignée précisément par Boris Porchnev, l'historien dont je vous parlais, donc historien soviétique, qui a travaillé sur les révoltes françaises et qui disposait d'un fonds d'archives dans les années 40. Donc c'est un spécialiste des révoltes populaires en France d'Ancien Régime qui est toujours reconnu aujourd'hui. Donc on peut ne pas être d'accord avec lui, mais il est curieux de ne même pas le mentionner, si vous voulez, dans une tribune d'historien. Les masses paysannes basse-bretonnes, écrit-il en effet, ressentaient naturellement haine et horreur pour tout ce qui venait de France. Elles croyaient, je le cite, que tout n'était pas encore perdu, qu'elles pourraient se libérer, mais en même temps elles sentaient que le bras de la France étrangère allait leur porter un coup fatal. Les historiens français, remarque-t-il, n'aiment pas signaler ces traits d'une lutte de libération nationale qui apparaissent dans la révolte de 1675. Donc, on peut... Là encore, je ne suis pas historien, je vous dis, on peut être totalement en désaccord avec l'historien, mais c'est curieux de la part d'historien de ne pas mentionner la thèse de la personne avec laquelle, enfin une personne avec laquelle ils ne sont pas en accord. Alors, malicieusement, je me demande si ce ne serait pas une illustration de cette phrase d'Ernest Renan, l'oubli et je dirais même l'erreur historique sont un facteur essentiel de la création d'une nation. Toujours est-il que donc non seulement les trois historiens, oh, j'ai oublié de les mentionner, excusez-moi, c'est Alain Croix que j'avais cité tout à l'heure, Alain Croix, André L'Espagnol, ancien président de l'Université Rennes 2 et ancien vice-président du Conseil régional de Bretagne en charge de la recherche, et puis Fanche Roudot, ancien directeur du CRDC. Donc c'est, voilà, c'est une belle brochette, si vous voulez, ce sont de grands historiens réputés. Voilà, alors ce qui est aussi étonnant, c'est dans leur article, donc ils ne mentionnent pas du tout ce qui est fait mention dans les cahiers de doléances, pas les cahiers de doléances, mais dans les codes émis par les Bonnets Rouges, et notamment cette dimension de lutte, disent-ils, contre la tyrannie ennemie de la liberté armorique. Donc ils ne le mentionnent pas du tout dans leur article, et quand ils l'évoquent par ailleurs dans leurs travaux, c'est pour dire que voilà, c'est simplement une formule, hein, que ça n'a pas beaucoup de signification. Et puis dernière chose, dans la tribune, quand ils disent que, enfin c'est pas la dernière, avant-dernière chose, quand ils disent que Sébastien Leval a été assassiné par un noble, c'est tout à fait exact. Mais ils oublient de rappeler les circonstances de cet assassinat. Le noble qui a assassiné donc Sébastien Leval, c'est Claude de Montgaillard. Et comment ça s'est passé? En fait, Sébastien Leval était allé chercher l'aide du frère de Claude de Montgaillard, de Charles de Montgaillard, qui était un ancien colonel, et dont il voulait qu'il mène les troupes de Bonnets Rouges, parce que l'armée royale arrivait, et il se disait, moi je ne suis pas un stratège militaire, je ne pourrais pas affronter une armée royale avec mes paysans. Et donc il est allé chercher un stratège militaire, il est allé chercher un noble, et c'est le frère de ce noble qui l'a assassiné. Donc il était, pour reprendre, l'analyse présente un linéament, derrière, en termes d'analyse marxiste, il était en pleine collaboration de classe. Il allait chercher un noble, un ancien colonel du roi, un marquis. Il avait d'ailleurs travaillé pour la femme de ce marquis, et c'est à cette occasion-là qu'il avait eu des démêlés avec la justice. Donc vous voyez, il y avait vraiment une collusion entre ce chef donc des bonnets rouges et puis un seigneur. Donc le parallèle, si vous voulez, peut-être est un peu audacieux, et puis c'est dommage d'oublier ce chose. Dernière chose, quand les trois historiens disent que les bonnets rouges ne s'attaquaient pas au roi, c'est vrai que dans les textes, on ne voit pas ça. On ne sait pas tout ce qu'ont pu dire les bonnets rouges de 1675. On peut tout à fait supposer qu'il y avait des gens particulièrement radicaux. Et c'est l'hypothèse de Porchneuf qui pense qu'il y en avait qui étaient carrément des avant-gardistes de la révolution de 1789, qui voulaient tuer les nobles et qui en voulaient au roi. Donc ça, c'est son hypothèse. Bon, il a peut-être tort. Mais en tout cas, en 2013, nos bonnets rouges contemporains vont écrire une lettre au président de la République en lui demandant de venir sur place. Je trouve que le clin d'œil à l'histoire est tout à fait frappant, parce que en 1675, on disait « Notre bon roi, il ne peut pas savoir ce qui se passe, voilà, il faudrait qu'il sache vraiment ce qui se passe. » Et puis en 2013, les bonnets rouges vont envoyer une lettre au président de la République. Donc voilà, il y a quand même là des analogies, me semble-t-il, anecdotiques entre les deux. Donc je pense que la tribune que je viens d'évoquer, dans sa volonté de dire il n'y a aucun rapport entre les deux, ce n'est que de la manipulation, elle manque de la nuance qu'on attend d'historien, même si bien sûr il s'exprime à chaud, ce que je ne suis pas en train de faire, il s'exprime à chaud, et donc on peut très bien comprendre aussi que voilà, à chaud, on n'écrit pas la même chose que quand on a quelques mois de recul. Alors je voudrais évoquer quelques autres similitudes anecdotiques entre les deux époques. Dans les deux cas, les prémices, alors j'ai été traité pas d'infâme rennais, mais, bon, mais les prémices sont quand même venues de Rennes, plus ou moins, dans les deux cas, puisqu'il y a d'abord eu la révolte des pimpiers timbrés, qui a éclaté d'abord à Rennes, puis à Nantes, et puis ensuite ça a été un phénomène bas breton, et puis ici on a eu la Jeannette, qui a quand même commencé à mettre le feu aux poudres, donc qui est dans la région de Rennes. Enfin bon, c'est très anecdotique, et puis c'est peut-être tout à fait le hasard. D'autre part, on a aussi dans les deux cas un objet qui cristallise la colère. Il semble, d'après la marquise de Sévigné, que les paysans bas bretons, qu'elle prend vraiment pour les derniers des imbéciles, auraient pris une horloge pour la gabelle, ou peut-être pour un moyen de collecter la gabelle. Donc ils se sont attaqués, ils ont voulu s'attaquer à une horloge. Alors qu'est-ce qui s'est passé exactement? En tout cas, il y avait un objet. Et là, on a aussi un objet, au départ, c'est le portique, le portique sur lequel se focalise l'attention. Toujours dans les similitudes anecdotiques, dans le premier cas, on a un leader extérieur au monde paysan, dans le deuxième cas, on a deux leaders. Le leader extérieur au monde paysan, c'est Sébastien Le Balp, donc un notaire indélicat qui a fait de la prison pour manipulation, malversation, etc. Et puis, dans le deuxième cas, on a le maire de Carhaix, donc qui n'est pas du tout un paysan, mais en tandem avec le dirigeant de la FDSEA du Finistère, Thierry Méa. Voilà. Et puis toujours, dernière similitude anecdotique, c'est le rapport à Quimper. Donc les bonnets rouges historiques, ceux de 1675, ont voulu prendre Quimper, et n'ont pas réussi. Et selon Yves Le Gallo, l'ancien directeur du CRBC, ils ne s'en sont jamais remis, de ne pas avoir réussi à prendre Quimper. Et donc en 2013, ils réussissent, entre guillemets, à prendre Quimper, en tout cas à l'investir. Rappelez-vous que les tracteurs étaient interdits dans la ville, et ils sont quand même rentrés en force avec leurs tracteurs. Donc voilà, les paysans ont fini par rentrer à Quimper. Bon voilà, tout ça, c'est des similitudes, si vous voulez, anecdotiques. Il n'y a pas que de l'anecdote. Il y a quelque chose qui est frappant, c'est que dans les deux cas, les mouvements de contestation s'insèrent dans cette fameuse diagonale contestataire qui a été décrite par Pierre Flatres. Donc Pierre Flatres a montré qu'il y avait une diagonale en Bretagne qui est contestataire sur le plan politique, contestataire sur le plan religieux, mais au contraire conservatrice sur le plan de la culture bretonne. Et puis plutôt, je ne sais plus comment il dit, pour l'économie, mais enfin pas très dynamique sur le plan économique. Hein. Il dit que c'est vraiment frappant. Et effectivement, dès que le droit de vote apparaît en Bretagne, on voit cette zone se dessiner. C'est dans cette zone-là qu'auront lieu les révoltes agricoles, les révoltes agraires bretonnes, même avant les bonnets rouges, hein, même dès le XVe siècle. Et c'est dans cette zone-là qu'aura lieu la résistance. C'est dans cette zone-là que aussi qu'il y aurait eu le plus de révolutionnaires pendant la Révolution française. Et c'est dans cette zone-là qu'on vote à gauche. Et c'est là qu'ont lieu les manifestations. Donc ça, je pense que ça n'est pas une similitude anecdotique. Il y a quelque chose qu'on pourrait appeler, c'est bien connu en sciences politiques, hein, on appelle ça l'esprit des lieux. Hein, l'esprit des lieux, il y a des choses qui se transmettent comme ça, de génération en génération, et qui peuvent paraître surprenantes. Deuxième chose, qui n'est pas non plus anecdotique à mon avis, en 1675 comme en 2013, la contestation fiscale a canalisé le mouvement de mécontentement. Mais ce mouvement de mécontentement, il était bien plus vaste dans les deux cas. Et il présentait dans les deux cas aussi une dimension de revendication sociale forte et puis aussi une dimension bretonne. Alors, comment apprécier la dimension bretonne ? Peut-être que Porcheneuf allait vite en besogne en parlant de revendication nationale, c'était peut-être trop fort, il parle de lutte de libération nationale, c'est peut-être trop fort, mais il y avait une dimension bretonne, il y avait de la méfiance par rapport à ce qui venait de la France étrangère, il y avait cette méfiance-là. Et là, chez les Bonnets Rouges, on voit apparaître, comme on l'a vu depuis 1972 et la grève du juin français, on voit apparaître côte à côte le rouge et le guenadu. Il y a une dimension bretonne aussi. Alors, bon, après, il faudrait pouvoir l'apprécier. C'est très difficile de la mesurer. Plus tard, on va, sur le mouvement des bonnets rouges spontané du début, on va voir se greffer le mouvement breton qui va essayer de canaliser un petit peu, mais qui ne va pas y parvenir. Mais en tout cas, il y a ces deux dimensions. Et puis, il y a aussi, dans les deux cas, la volonté des Bretons de prendre leur destin en main. En 1675, il y a ce fameux code paysan, et puis les autres codes qui ont été émis, qu'on n'a pas tous retrouvés, mais qui sont des codes qui visent à transformer la société. Alors avec peut-être une forme de naïveté, on pourra le dire, mais avec vraiment la volonté de faire tomber l'ancien régime, de faire tomber l'ordre féodal. On est en 1675, on est plus d'un siècle avant la Révolution, et on voit bien ça transparaître dans les codes. Et puis en 2013, eh bien, on a ce slogan qui va apparaître de vivre, décider et travailler au pays. Alors je ne sais pas qui va apparaître, c'est un slogan qui date des années 70 justement, et donc il va réapparaître. Mais il y a bien l'idée donc vivre, décider, hein, décider qui n'était pas toujours présent. Au départ c'était vivre et travailler au pays qu'il y avait dans les années 70, et puis ensuite ça avait été modifié par le PSU puis par le Parti communiste. Donc vivre, décider et travailler, et puis par les autonomistes aussi. Et donc il va y avoir des doléances qui vont être recueillies et puis qui vont aboutir à 11 revendications phares qui sont exprimées à Morlaix le 8 mars 2014. Voilà donc pour cette partie, l'histoire c'est moi. Hein, on voit que voilà, l'histoire, eh bien, elle peut avoir, il peut y avoir un écho dans l'histoire. Il faut le présenter, je pense, avec subtilité, avec nuance. Il ne faut pas tout mélanger. Évidemment que les manifestations de 2013, ça n'est pas la révolte de 1675. Mais tirer un trait de plume là-dessus en disant ça n'a rien à voir, c'est de la manipulation, c'est manquer peut-être un petit peu de nuance. Deuxième forme, me semble-t-il, Oui, pardon. Non, je me permets. Vous avez oui. Donc demandé de tenir à parler. Il y avait donc l'origine en 1675. Voilà. 14 articles, c'est ça aussi, parallèle. D'accord, oui, tout à fait. On peut faire le parallèle aussi dans le nombre de demandes, mais bon, c'est symbolique, quoi. C'est... deuxième forme, me semble-t-il, de domination symbolique, c'est la dimension populaire du mouvement. Hein, on a dit, donc d'abord, c'est pas l'histoire, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant. Deuxième chose, le peuple. De nombreux observateurs ont contesté la dimension populaire du mouvement des Bonnets Rouges de 2013 en raison de son caractère composite. je cite l'Humanité, salariés aux emplois menacés, dirigeants d'entreprises et militants de multiples organisations, dont le NPA et le syndicat FO et des mouvements régionalistes, formaient une foule hétéroclite. Voilà, là, l'article, il n'est pas trop méchant de l'Humanité, mais vraiment, ce mot hétéroclite a été réutilisé sans arrêt. Vous voyez bien la différence entre, ça termine par it aussi, mais composite ou hétéroclite, c'est pas pareil. Hein. Quand on dit hétéroclite, ça veut dire c'est vraiment, c'est tout et n'importe quoi. On peut considérer tout à fait que c'est tout et n'importe quoi, effectivement, quand on voit qu'il y a à la fois des gens des identitaires et du NPA dans la même manifestation. Enfin, donc voilà, il y a ce jugement de valeur qui est constamment présent. Et ce qui est particulièrement l'objet de critiques, c'est la présence conjointe de chefs d'entreprise, d'agriculteurs de la FDSEA, c'est-à-dire un syndicat qui a joué quand même un rôle actif dans la concentration de l'agriculture bretonne, et qui est un syndicat qui est partisan du marché, et puis, de l'autre côté, des ouvriers licenciés ou menacés de l'être. Pardon. Alors cette convergence, d'un côté, de patrons et de la FDSEA, et puis de l'autre, d'ouvriers menacés de licenciement, ça a valu l'objet donc, de nombreuses critiques. Alors, je pourrais dire que, selon Porcheneff, cette hétérogénéité existait déjà en 1675. Il dit « Les paysans bretons étaient loin d'être tous miséreux, il y avait parmi eux des gens aisés. Il est certain qu'entre les uns et les autres devait exister une fissure sociale. La différenciation de la paysannerie était dans une certaine mesure neutralisée par le fait que les deux couches de la population étaient l'une et l'autre écrasées. » C'est-à-dire qu'il pense qu'il y avait une forme de lutte des classes intra-paysannerie, puisque de toute façon il n'y avait pratiquement que des paysans en Basse-Bretagne, mais que c'était neutralisé par, par l'opposition donc à la fiscalité royale et à l'Ancien Régime. Voilà quelle est sa thèse. Donc voilà, on peut considérer qu'il y avait un parallèle là aussi, mais ce que je veux dire, c'est que par-delà une critique fondée, hein, je maintiens qu'il y a une critique fondée concernant donc les responsabilités du patronat, les responsabilités de la FNSEA dans les difficultés de l'industrie agroalimentaire bretonne. Ce qui est opposé au bonnet rouge de 2013, pour moi, c'est ça relève du domaine du monopole de la parole légitime. Il y a ceux qui peuvent parler, qui ont la parole légitime, et puis ceux qui ne le peuvent pas, qui ne sont pas légitimes à parler. Alors d'abord, on a vu le monopole des historiens, le monopole des historiens sur la parole historique. Donc les universitaires que j'ai cités, Alain Croix, André L'Espagnol et Fange Roudot, refuse à un mouvement social qui est, c'est vrai, hors norme, le droit de recourir à la symbolique du bonnet rouge. Pourtant, le Parti communiste français, à laquelle certains d'entre eux appartiennent, d'ailleurs notamment Alain Croix était membre du Parti communiste, le fait que le Parti communiste français ait utilisé la symbolique du bonnet rouge ne leur pose pas de problème. De 1972 à 2002, le journal de la section de Carré du Parti communiste s'appelait Le Bonnet Rouge. Et vous voyez, alors je n'ai pas résisté, regardez le titre de cet exemplaire du Bonnet Rouge, hein, vivre, décider et travailler au pays. Hein. Donc c'est quand même rigolo. Mais bon, il faut savoir qu'à Carré, il y a une interpénétration entre les milieux. Carré, c'est une région rouge, avec vraiment une tradition communiste très forte, et puis des gens du mouvement breton de gauche aussi, qui passent leur temps à se disputer, mais en même temps à boire des cafés ensemble, ou pas seulement des cafés, boire des verres ensemble, etc. Donc il y a une communication entre les deux. Le fait que le slogan, qui était le slogan du Parti communiste des années 70-80, ressorte en banderole qui ouvre la marche à Carré en 2013, c'est pas le fruit du hasard. C'est évidemment pas le fruit du hasard. Donc ça ne gêne pas les auteurs, le fait que ça a été utilisé par le Parti communiste. Bon, le Parti communiste n'a pas fait que ça. Il n'y avait pas que ça. Il y avait la fête des bonnets rouges qui a été instituée en 1975. Tous les ans, le Parti communiste organisait la fête des bonnets rouges et ça a duré jusqu'à 2002. Donc c'est pas quelque chose d'épiphénoménal. Il y a vraiment une utilisation de la symbolique des bonnets rouges par le Parti communiste. Donc ça, c'est le premier monopole de la parole légitime. Deuxième monopole, et c'est évidemment lié, c'est le monopole des partis et des syndicats de la gauche française classique, entre guillemets, sur la parole populaire. Le peuple étant représenté par des organisations politiques et syndicales, elles seules peuvent légitimement s'exprimer en son nom. Pourtant, souvenez-vous des événements, quand les organisations représentatives de la gauche française classique ont tenté à deux reprises, le 2 et le 23 novembre, de concurrencer les bonnets rouges en organisant des contre-manifestations, elles ne sont pas parvenues, loin de là, à rassembler autant de manifestants. J'ai pas trouvé de chiffres pour le 23 novembre, mais le 2 novembre, quand il y avait entre 15 000, je ne sais plus les chiffres, combien vous avez dit tout à l'heure entre 15 000 et 30 000, c'est ça à Quimper, il y avait à Carhaix entre 500 selon la police et 3 000 selon les organisateurs. Et là, on avait les organisations traditionnelles, si vous voulez. Donc voilà, elles n'ont pas réussi à rassembler autant de manifestants, mais elles considèrent avoir davantage le privilège d'exprimer la parole du peuple. Voilà donc pour ce parallèle avec 1675. Alors s'il y a des historiens dans la salle, ils auront peut-être des critiques à apporter ou des nuances par rapport à ce que j'ai dit. Je voudrais maintenant changer d'approche et me tourner vers le rapport entre ce qui a été dit sur les bonnets rouges de 2013 par les commentateurs, par les observateurs, par les hommes politiques, etc., ce qui a été dit, ce que j'ai pu collecter, et puis ce qui est apparu sur les représentations sociales des Bretons dans des travaux comme ceux de Catherine Berthaud, qui avait écrit un article célèbre dans les Actes de la recherche en sciences sociales en 1980, la thèse de... inédite, mais qui est à Rennes 2, de Pierre Corbel, qui s'appelle « La figure du galop », mais dans laquelle il y a énormément, énormément de données sur les représentations des Bretons. La thèse de, je crois que c'est Claude Chansex, Chansex, C-H-A-M-P-S-E-X, donc qui a travaillé aussi sur les représentations des Bretons. Moi-même, j'ai travaillé sur les représentations des Bretons à deux reprises dans ma thèse, et puis dans un article récent sur l'humour à propos des Bretons. Et puis il y a aussi des gens qui ont travaillé sur les représentations des Bretons, alors dans des périodes anciennes. Jean-Christophe Cassard, donc, qui est un médiéviste, a travaillé sur l'image des Bretons à l'époque médiévale. Gwénolé Lemaine a travaillé sur l'image des Bretons à l'époque moderne, médiévale et moderne. Donc voilà, je compare un petit peu ces représentations avec ce qu'on trouve en 2013. Alors, commençons par... Excusez-moi, j'ai oublié de montrer. Donc, bonnet rouge et bonnet brun, hein, parce qu'on les a dit, on a dit que c'était des imbéciles, des nigauds, etc. Et brun, parce que ça renvoie aux cheveux bleus, aux fascistes, etc. Hein. Bonnet rouge et bonnet brun. Voilà, alors, dès le Moyen-Âge, on trouve des représentations des Bretons, contrairement à ce que dit Catherine Berthaud dans son article, on trouve des représentations des Bretons. Et alors, comment les Bretons sont-ils représentés? Eh bien, ils sont représentés comme des barbares, des sauvages. Et ça, on va le retrouver chez Paix à son âme, Bernard Maris, quand il parle des manifestations des Bretons. Il dit ceci: les manifestations des Bretons, des bonnets rouges, sont d'une barbarie préhistorique. Je ne vois pas d'autre mot que cela. Hein. Donc, cette idée de barbarie, et on la retrouve ailleurs, hein, des barbares, des sauvages. On parle de la sauvagerie des manifestants, etc. Bon, quand même, il n'y a pas eu de... Il y a eu trois blessés, il n'y a pas eu mort d'homme, il y a eu trois blessés dans une manifestation, dont un manifestant. Voilà, donc barbarie préhistorique à propos des Bretons. Hein. On les dépeint également comme des brutes, alors ça on le retrouve régulièrement, et ça, mais dès les débuts de l'histoire de France, quand on parle des Bretons, ils sont présentés comme des brutes. Donc j'ai mis pas mal de citations pour ceux que ça intéresse dans mon livre L'identité bretonne, pas mal de citations donc, du Moyen-Âge. Eh bien, cela semble être l'opinion aujourd'hui de quelqu'un que moi, personnellement, je ne connaissais pas, Yves Pacalet, qui est philosophe et journaliste, pour qui le bonnet rouge des Bretons est un signal de haine, l'emblème d'un déferlement social anti-écologique, irrationnel, violent, égoïste, destructeur, de gens qui hurlent contre l'écotaxe. Hein. Donc, il y a ce déferlement des Bretons, ces Bretons irrationnels. Alors, l'irrationalité des Bretons, ça, on le trouve aussi très, très, très, très régulièrement. Sachant que bon, il y a l'idée, si vous voulez, dans les rapports de domination en termes d'identité, celui qui affirme son identité a tendance à projeter sur l'autre l'inverse de son identité. Donc quand on dit « moi je suis rationnel », on va dire « l'autre il est irrationnel ». Et on voit beaucoup, beaucoup présenter les femmes comme irrationnelles, les noirs comme irrationnels, les Bretons comme irrationnels. Donc on retrouve là donc, la haine, le déferlement social anti-écologique, irrationnel, violent, égoïste et destructeur de ces gens qui hurlent. Voilà. Et puis, les Bretons, dès le Moyen-Âge, sont présentés avec trois caractéristiques que vous connaissez bien. Leur langue bizarre, leur penchant pour l'alcool, ça s'est évoqué très régulièrement, et puis leur entêtement ridicule à défendre leurs spécificités, leurs privilèges, etc. Il y a là-dessus une pièce de théâtre qui s'appelle « Le privilège aux Bretons », qui est une des plus vieilles pièces de théâtre en français, une pièce de théâtre burlesque, « Privilège aux Bretons » du XIVe siècle, qui est entièrement consacrée à rire de ces Bretons qui veulent à tout prix défendre leurs privilèges et qui parlent cette espèce de baragouin et qui boivent tellement qu'après ils se battent entre eux, dès le XIVe siècle. Et donc là, on a tout dans cette chronique de Didier Porte. Alors, je pensais qu'on pourrait la regarder, mais j'ai déjà dépassé le temps qui m'était imparti. Donc, mais quand même, hein, il faut détruire les stocks d'éthylotest envoyés par Paris pour stériliser le génie créatif. Bon, Didier Porte, il a beaucoup d'humour, et puis sa chronique, elle est tout à fait amusante. Mais voilà, on est dans tous ces éléments qui apparaissent là, on est dans la continuation de représentation des Bretons qui ne date pas d'hier, mais qui date du Moyen-Âge et même parfois du Haut Moyen-Âge. À partir de la Révolution, il y a du changement, on voit apparaître quelque chose de nouveau, vous le savez, on voit apparaître les chouans, cette image qui va coller à la peau des Bretons. Je rappelle que les chouans sont des insurgés royalistes qui, au nord de la Loire, et pas seulement en Bretagne, ni dans toute la Bretagne, ont pris les armes contre la Révolution, la République et l'Empire. Donc pour Bruno Roger Petit, que vous connaissez peut-être, journaliste de télévision, de presse écrite et de radio, une bonne partie de la minorité qui vote encore à droite en Bretagne aujourd'hui entretient et conserve le souvenir nostalgique des exactions menées par les chouans de 1793 contre la République éclairée. Voilà, donc voilà, il y a voilà l'idée de ces Bretons donc qui entretiennent le souvenir nostalgique des exactions commises contre la République éclairée. Ces Bretons, ces chouans, ces gens qui s'opposent à la République, etc., sont, nous dit Balzac, plus pauvres de combinaisons intellectuelles que ne le sont les Mohicans et les Peaux-Rouges de l'Amérique septentrionale, mais aussi grands, aussi rusés et aussi durs qu'eux. Hein, voilà l'image des Bretons, donc quand même un pauvre hein, de combinaisons intellectuelles. Il ne se passe pas grand-chose dans la caboche. Victor Hugo est plus bref, hein, il parle à leur propos de l'absurdité en rut, hein, c'est assez joli. Et on a... Voilà. Surtout qu'il fréquentait une en plus. Et on a, alors je ne sais pas si vous le connaissez, Christian Delarue, qui écrit beaucoup sur Mediapart, donc qui apparemment était l'un des leaders d'attaque, et puis, enfin, il est dans plusieurs mouvements d'extrême gauche. Donc lui, c'est en un mot, c'est reptilien. Hein, le niveau, alors il dit ceci, le niveau revendicatif consiste ici à casser les portiques écotaxes et les radars de vitesse automobile. Point reptilien. Voilà donc le niveau intellectuel des bonnets rouges de 2013. Par ailleurs, les chouans... Pardon ? Responsable antiraciste. Voilà. Par ailleurs, les chouans étaient présentés comme des paysans qui étaient soumis à leur maître et au clergé, à la noblesse. Et c'est exactement ainsi que Jean-Luc Mélenchon, président du parti de gauche au moment des manifestations, présente les bonnets rouges. Donc, à Quimper, les esclaves manifesteront pour les droits de leur maître. Vous voyez bien là le parallèle entre ces chouans hein, qui manifestaient pour les droits des nobles et du clergé. Donc, et puis d'ailleurs, il va revenir là-dessus, il va voir des gens du clergé dans la manifestation. Donc voilà, première étape donc, dès le Moyen-Âge, après à partir de la Révolution, et c'est toujours dès le, à partir d'eux, parce que tous ces clichés, toutes ces représentations restent, demeurent, et vous voyez, on les retrouve en 2013. Ensuite, alors c'est pas au XIXe siècle que j'aurais dû mettre, c'est à partir du XIXe siècle, on voit une Bretagne, donc au XIXe siècle, on voit une Bretagne appauvrie, le commerce maritime qui permettait à la Bretagne de vendre ses toiles et d'être une région relativement riche et industrialisée, donc tout ça s'est effondré. La Bretagne a raté la révolution industrielle. Sa population s'est considérablement appauvrie. Hein, il y a même eu des famines en Bretagne. Et c'est alors que donc, les Bretons se mettent à migrer. Alors, ce n'est pas au moment des famines que les Bretons migrent, c'est après. Hein, c'est massivement à partir de la fin du XIXe siècle. Et là, on voit apparaître les clichés méprisants du pauvre Breton, idiot, arriéré et dévot. Et ces images, elles se figent. le même Jean-Luc Mélenchon que j'ai mentionné tout à l'heure renoue dans son analyse du mouvement des Bonnets Rouges avec tous ces concifs qui sont apparus au XIXe siècle. Les Bretons qui manifestent à Quimper sont à ses yeux donc dénigots. Ils donnent de leur région une image archaïque, donc l'archaïsme des Bretons, ça c'est vraiment constamment évoqué au XIXe siècle, et il dit qu'ils suivent les prêtres qui marchent devant dans les manifestations de 2013. Alors je ne sais pas comment il a vu les prêtres marchant devant, parce qu'on n'a aucune photo où on verrait des membres du clergé en tenue, donc comment peut-il savoir qu'il y avait des prêtres devant? Je ne sais pas. Donc les prêtres qui marchent devant, avec le patronat local et les autres déguisés de circonstances. Car donc, ces nigauds qui manifestent sont manipulés par le patronat, et ça n'est pas seulement la thèse de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est une thèse qui est très largement partagée dans les commentateurs, dans les commentaires qu'on trouve sur Internet et dans la presse. C'est vraiment la thèse dominante, les manifestants, ceux qui ne sont pas déjà d'extrême droite ou du mouvement breton, c'est qu'ils ont été manipulés. Ils ont été manipulés par le patronat. Ils n'ont pas de clairvoyance suffisante pour manifester tout seul. Voilà. Alors, à partir du XXe siècle, on voit apparaître quelque chose de nouveau, que vous savez bien. C'est la collaboration d'une grande partie du mouvement breton avec l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il va ternir la globalité du mouvement breton de façon durable et qui va faire que ce mouvement breton va être associé à l'extrême droite. Alors, en 2013, on nous parle des dérives autonomistes. Donc ça, c'est l'expression de Françoise Morvan, donc, qui amène à l'idée que donc, dérive autonomiste égale plus ou moins nazi. Alors déjà, le fait d'être autonomiste, c'est inquiétant, puisque selon le même Delarue que j'évoquais tout à l'heure, le nationalisme dominé, c'est-à-dire le nationalisme breton, est une peste émotionnelle aussi nuisible que celle du nationalisme dominant. Pour un lecteur du Monde qui s'exprime sur le blog du quotidien, le régionalisme et le nationalisme sont la lèpre de nos sociétés modernes avec la religion. Mais plus grave encore, donc, d'après les commentateurs, beaucoup de commentateurs, les Bonnets Rouges seraient siphonnés par l'extrême droite. Hein. Siphonnés, c'est l'idée que le mouvement donc, sert la cause de l'extrême droite. Les Bonnets Rouges sont, alors on retrouve Yves Pacalet tout à l'heure, les Bonnets Rouges sont populistes, démagogiques, nationalistes, anti-européens, anti-cosmopolite, bref, ils sont d'extrême droite. Ils la servent sciemment ou se font manipuler par elle. Hein, on retrouve là cette idée de manipulation des manifestants par l'extrême droite, comme il y avait la manipulation tout à l'heure des manifestants par le patronat. Le mouvement relèverait d'un racisme complexé. Alors pour preuve, cette photo de trois anonymes, trois personnes inconnues, qui a été mise sur le blog de Bruno Roger Petit, et qui dit que c'est bien la preuve que le mouvement tout entier des Bonnets Rouges est ancré à l'extrême droite. Donc, le passage, si vous voulez, de 15 à 30 000 manifestants à l'extrême droite, parce qu'il y a trois personnes là qui ont un Bonnet Rouge, voilà, c'est quand même un peu audacieux. Alors, je précise rapidement, mais vous le savez bien. Oui, vous ne connaissez pas peut-être ce signe-là. Donc ça s'appelle un tonnel. C'est un signe qui a été donc lancé par un humoriste qui est devenu antisémite, qui est Dieudonné, qui est à moitié breton, et qui est à moitié breton d'ailleurs. Et donc voilà, il y a trois personnes qui ont été prises en photo sous ça. Et donc c'est un signe. Alors je précise quand même rapidement, mais ça vous le savez bien, que la Bretagne est une des régions où le Front National fait ses plus mauvais scores. On le voit ici, même les tout derniers résultats de Marine Le Pen. Bon, le Front National a nettement progressé en Bretagne comme dans l'ensemble de la France, mais ça reste quand même l'une des régions où il fait les plus mauvais scores. Et puis dans cette fameuse diagonale contestataire dont je vous parlais tout à l'heure, le cœur de la diagonale contestataire que vous voyez là, c'est un bastion communiste. Et il est difficile de partir du principe, quand il y a des gens, des observateurs qui disent ça, oui, mais de communisme à extrême droite, finalement, il n'y a qu'un pas. Bon, ce pas-là, on voit bien qu'il n'est pas franchi et que c'est quand même une région qui est très, très réticente au vote Front National. Donc, globalement, si vous voulez, on n'est pas, en tout cas, en terre conquise par l'extrême droite. Voilà. Bon, ça n'empêche qu'on a bien affaire à un mouvement donc, hétérogène avec des gens d'extrême droite qui sont venus, des gens d'extrême gauche, des gens de toutes les, de toutes les tendances. On a affaire à un mouvement qui est extérieur aux organisations traditionnelles, donc ça c'est ce qui est tout à fait frappant, extérieur au Parti socialiste, extérieur au Parti communiste. Mais malgré ce, on peut, me semble-t-il, dire, mais alors ça, on pourra le contester, on pourra en débattre dès que je vais finir par finir, il y a quand même, comme disait l'un des commentateurs, je ne me souviens plus comment il s'appelle, Marielle, il y a bien du rouge quand même sur les bonnets rouges, ou en tout cas sur certains d'entre eux. Ou comme le disait Romain Pasquier, donc le politologue qui avait été interviewé par Libé, disait, c'est un mouvement populaire, pas une bande de fachos. Bon. Ah, tout ça, on peut en discuter, c'est pas le fond de mon intervention. Mon intervention, c'est plus oui, sur le para, sur l'observation. Voilà, alors il y a, parmi les observations aussi, il y a eu les observations qui ont été faites dans les journaux de droite, comme dans le Figaro. Et là, ce qui est reproché aux Bretons, c'est l'inverse, si vous voulez. C'est d'être un bastion de la gauche. Parce que la Bretagne, vous le savez bien, était une région qui votait globalement, qui a voté très longtemps, globalement, démocrate chrétien, donc droite modérée, centriste, si vous voulez. Globalement, c'était ça la tendance de la Bretagne, mais avec à l'intérieur des tendances différentes, dont cette diagonale contestataire que j'évoquais, qui a toujours eu tendance à voter à gauche. Mais globalement, la Bretagne, c'était plutôt droite modérée. Et puis à partir du début des années 80, de l'arrivée de François Mitterrand au pouvoir et de la gauche au pouvoir, bien la Bretagne bascule à gauche, socialiste, hein, gauche socialiste, majoritairement, avec toujours, bien sûr, les nuances qui s'imposent et les différences régionales. Et donc les lecteurs du Figaro disent, notamment j'ai ceci sur le blog du Figaro, et qui a voté massivement pour la gauche aux dernières élections ? Les Bretons. Alors, un peu de retenue, s'il vous plaît. Hein, donc, on ne peut pas à la fois voter à gauche et puis aller manifester au moment où la gauche est au pouvoir. Alors, avant-dernière représentation de la Bretagne, ou des Bretons plutôt, qui se répand donc au XXe siècle, à la fin du XXe siècle, à partir de 1989, on voit un terme nouveau se répandre en France, c'est le terme communautarisme. Ce terme se répand extrêmement rapidement à partir de 1989. Alors, qu'est-ce que c'est que le communautarisme ? Eh bien, le terme n'est défini dans un dictionnaire qu'en 2005, la première fois qu'il est défini. Donc, il est très employé à partir de 1989. Il connaît une progression asymptotique. Et il vise en particulier, alors les plus communautaristes, ce sont, que je me souvienne, alors dans... J'ai travaillé sur le Figaro, Libération et Le Monde. Donc les plus communautaristes de tous, c'est les musulmans. Voilà. Après, dans les autres communautaristes, il y a les étrangers, et puis ben, les minorités régionales, les noirs, les juifs, voilà, les chrétiens et les croyants en général. Et il y a aussi les jeunes, voilà, les provinciaux. Mais si vous voulez, c'est dans l'ordre, hein, je vous donne les résultats dans l'ordre. Donc il reste ceux qui ne sont pas communautaristes, ce sont ceux qui ne sont pas provinciaux, donc ils vivent à Paris, qui sont blancs, qui sont vieux, donc ils ne sont pas croyants. Voilà. Hétérosexuels. Hétérosexuels, oui, parmi les premiers, il y avait les homosexuels, excusez-moi. Donc voilà, donc le communautarisme, c'est un terme qui est manifestement un terme polémique, il a été conçu dans une optique polémique, et il est en train de devenir un mot qui est de plus en plus accepté comme quelque chose qui va de soi, qui est neutre. Ce n'est pas du tout un terme neutre, hein. C'est un terme qui a été conçu dans une optique polémique. Pour Ulrich Beck, par exemple, sociologue de la mondialisation, c'est un mythe. Pour André Taguieff, qui est spécialiste du racisme, etc., il dit vraiment c'est un terme polémique et ne devrait pas être utilisé. On entend rarement des gens dire « moi je suis communautariste, vive le communautarisme », etc. C'est peu fréquent. Toujours est-il que c'est le communautarisme inspiré par la bêtise régionaliste qui, selon ses détracteurs, serait à l'œuvre dans le mouvement des bonnets rouges. Et là, j'ai trouvé alors, quelque chose de très intéressant, un lecteur du Monde, sur le blog du Monde, qui explique d'où vient le communautarisme. Et il dit que ça vient du fait qu'on a deux identités, et pas seulement l'identité française. Le communautarisme commence quand on revendique une double identité. Un immigré du Maghreb qui déploie le drapeau algérien lors d'un match de foot a les mêmes explications et les mêmes justifications techniques identitaires que ceux qui défilent avec des drapeaux de la Bretagne. Voilà. Donc le communautarisme, c'est quand on a deux identités. Voilà. Et donc, toute dernière représentation de la Bretagne qui s'est développée donc, à partir de la fin des années 90 et qu'on va retrouver dans la mise en cause des bonnets rouges, c'est la pollution de l'environnement, hein, et en particulier la prolifération d'algues vertes, donc, qui est liée à la propagation de nitrates, comme on le disait, dans les eaux de ruissellement, de rivières, etc., puis, qui vont jusqu'à la mer, qui sont liées aux élevages industriels et puis à l'utilisation de fertilisants. Et donc voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. À Quimper, manifestent ceux qui veulent que continue la souillure de notre belle Bretagne par les nitrates de l'agriculture productiviste. Donc, on retrouve une représentation négative des Bretons, beaucoup plus récente, on n'est pas dans les représentations de la tour du Moyen-Âge, mais elle est collée à nouveau à l'image des bonnets. Et alors, je ne le connais pas, mais il y a quelqu'un qui se présente comme un constitutionnaliste, Richard Novak, qui écrit sur le blog du Monde, « À cause des nitrates, bientôt, une muraille sanitaire va se dresser pour interdire la consommation de toute denrée issue de cette région. S'il y a résistance, ce sera de la part du reste de la France, par rapport à la Bretagne, et non pas des Bretons par rapport à la Bretagne. » Voilà, donc, au total, et sans me prononcer, vous l'avez vu, sur le fond, c'est-à-dire sur le mouvement des Bonnets Rouges en lui-même, en lui ayant même donné des éléments de description, j'espère avoir montré à quel point la critique de ce mouvement s'alimentait quand même de stéréotypes ethniques et de généralisations simplistes. Ce mouvement est un mouvement qui avait pris tout le monde par surprise, qui avait fait l'objet, donc je vous l'ai dit, de beaucoup de commentaires, dont je n'ai retenu que les commentaires négatifs. Il y a eu aussi des commentaires positifs, souvenez-vous par exemple des tribunes de Todd, d'Emmanuel Todd par exemple, donc il y a eu aussi des commentaires positifs. Moi j'ai gardé que ce qui relevait du commentaire négatif, et il m'a semblé, donc je maintiens l'hypothèse que j'avais fait au départ, qu'on avait affaire à une domination symbolique, monopole de la parole légitime d'une part, et puis stigmatisation quand même d'une identité minoritaire par l'idéologie dominante. Alors le monopole de la parole légitime, bon, c'est bien connu, ça a été très étudié par les sociologues, via Pierre Bourdieu, par les ethnologues, par Pierre Classe, etc. Ça sert le prestige du dominant. Mais la stigmatisation de l'identité minoritaire, je voudrais la rapprocher de quelque chose qui est beaucoup moins connu en France, puisque l'ouvrage n'a pas été traduit. Je voudrais rapprocher ça du nationalisme banal. Vous avez là, un ouvrage donc, qui est à la bibliothèque de Rennes 2, puisque je l'ai commandé, qui s'appelle Banal Nationalism, grâce à notre bibliothécaire, Gilles, qui est juste en face de moi, Gilles Douchelet. Donc, le nationalisme banal a été théorisé par quelqu'un qui n'est pas breton, même si on pourrait l'appeler Michael Bilic. Hein. Tout porte à croire qu'il est breton, mais non, il est britannique. Donc Michael Bilic, il explique... Cornique peut-être. Hein, il est peut-être cornique. Ouais. Ce qu'il veut montrer, c'est que le nationalisme, il est omniprésent dans la société. Ça lui est venu un jour en regardant la télé au moment de la première guerre du Golfe. Il entendait George Bush Senior parler, il s'est dit, mais est-ce que ce ne serait pas du nationalisme, ça? Ok, voilà, ça a été le point de départ, ce n'était pas un spécialiste du nationalisme, et il s'est dit, mais c'est bizarre, parce que moi j'avais toujours considéré que le nationalisme, c'est les minoritaires qui veulent créer de nouveaux États, ou bien c'est l'extrême droite. Je disais, voilà, pour moi c'est ça le nationalisme. Soit les minoritaires qui veulent créer de nouveaux États, soit l'extrême droite. Puis je m'aperçois qu'il y a peut-être autre chose. Donc il est parti de ça, et il a fait un ouvrage remarquable, qui est le cinquième ouvrage le plus cité au monde sur le nationalisme. Donc c'est un ouvrage majeur. Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas été traduit en français. Donc, Michael Bilic a introduit son concept en 1995, et il explique le nationalisme banal, c'est donc, afin, donc c'est un concept qu'il introduit afin d'appréhender les habitudes idéologiques qui permettent aux nations occidentales établies de se reproduire. C'est traduit par Selon lui, en effet, le nationalisme est loin d'être une humeur intermittente dans les pays établis, c'en est la condition endémique. Donc vous voyez, pour lui, le nationalisme, ce n'est pas l'extrême droite, ce n'est pas le Front National, ce n'est pas le National Front, etc. C'est une manifestation endémique dans les pays occidentaux bien établis. Et l'une des expressions de ce nationalisme banal, selon lui, c'est précisément le stéréotype ethnique. Les stéréotypes, dit-il, alors là encore, c'est moi qui ai traduit, j'espère que c'est compréhensible, les stéréotypes sont souvent le moyen de distinguer eux de nous. et il contribue ainsi à notre prétention, nous les dominants, si vous voulez, nous l'identité centrale, à une identité unique. Nous, nous considérons souvent comme la norme ou la normalité banalisée par un rapport à laquelle leurs déviations paraissent notables. Voilà, alors bien sûr, dans le propos de Michael Billig, eux, ça désigne les étrangers. Mais on le sait, l'extranéité n'est pas toujours totalement extérieure. Pour le nationalisme banal, les minoritaires, donc en l'occurrence les Bretons, ne constitueraient-ils pas une sorte de corps étranger au sein du corps national? Je vous rappelle cette formule de Balzac que vraiment j'aime beaucoup. Hein, la Bretagne ressemble à un charbon glacé qui resterait obscur et noir au sein d'un brillant foyer. Hein, donc il y a bien cette idée de corps étranger à l'intérieur du brillant foyer. Bon, pardonnez-moi, j'ai été un petit peu long. Donc il nous reste une demi-heure pour discuter, mais il faudrait que quelqu'un ait téléphoné au restaurant pour commander. Vous pouvez y aller. Combien on avait dit tout à l'heure? On a dit 13, on a dit qu'on serait 13 à table. On en rajoute 2, comme ça on sera pas 13. 15. Il me rajoute beaucoup. Il me rajoute 16. 17. Bah, non, ouais. Tu as le numéro? Dis-moi tout. 02 99 54 73 90. Quelle heure, je me dis? Bah, vers une heure à peu près. Ouais, une heure. Okay. Une heure dix. D'accord. Hein. Voilà, on fera du métal ici. Voilà, donc la parole est à vous. Oui. Juste une remarque sur le nationalisme banal. Vous dites que c'est dommage qu'il n'ait pas été traduit en français, mais je pense qu'il y a toute une partie de ce qu'on appelle le mouvement décolonial qui s'écrit en français. Je pense notamment aux partis des indigènes de la République, qui ont, le mouvement de la République, qui ont écrit déjà plein de choses sur le nationalisme inconscient, entre guillemets, oui, c'est vrai. Et plus particulièrement des gens qui se disent antiracistes, notamment les gens de gauche. Autrement, une question sur l'aspect qualitatif des mots d'or des bonnets rouges. Parce que, comme vous avez dit, c'était hétérogène. On sait que notamment, il y avait un pôle ouvrier, où il y avait le NPA, Résistance, etc. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir la portée de ces mots d'ordre par rapport à ceux qui se présentaient comme les leaders légitimes des bonnets rouges. Je pose cette question parce que ce que je vois, moi, actuellement, c'est que qui se réclame aujourd'hui des bonnets rouges lors d'actions publiques, c'est majoritairement des gens qu'on peut identifier comme étant d'extrême droite. Ou en tout cas comme étant opposé au Parti Socialiste et à ce qu'il voit comme étant une nébuleuse antiraciste, etc. Donc c'est la question que je pose, que vous avez dit, oui, pour une photo qui avait été présentée, par exemple, on voit trois fachos qui se réclament des bonnets rouges, vous avez dit, oui, mais c'est trois parmi... On ne peut pas savoir, mais on ne peut pas en tirer... Mais au niveau qualitatif, moi j'ai l'impression que ces trois-là portent plus aujourd'hui... quant au fait de se réclamer des bonnets rouges, qu'au pôle ouvrier, par exemple, qui pouvait être présent lors des manifestations. Donc, même si, quantitativement parlant, ces gens-là étaient minoritaires, moi j'ai l'impression que leur mot d'ordre, anti-gouvernement, libération de marché, en gros tout ce qui représente le PS, quoi, le gouvernement, a gagné, entre guillemets. Alors, il y a beaucoup de choses à dire pour répondre de façon juste à ce que vous dites. Alors, d'abord, le pôle ouvrier, c'est vrai qu'il a très vite disparu, puisque déjà, la manifestation de Carré, FO s'était retiré. Donc, entre la manifestation de Quimper et la manifestation de Carré, il y a eu une transformation de la base sociale, c'est sûr. Et puis on voit dans la presse, dans les journaux qui paraissent à l'époque, on voit des syndicalistes, des ouvriers qui disent « Ouais, moi je commence à me méfier, ils commencent à se retirer. » Donc voilà, ça c'est sûr. Deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu aussi, donc je l'ai un tout petit peu dit, mais le mouvement breton est arrivé aussi pour essayer de structurer, on sent bien là, l'influence du mouvement breton dans les doléances. Si on regarde les doléances elles-mêmes, vous voyez, une Bretagne forte à 5 départements, bon, ça, c'est le mouvement breton. C'est clair, c'est pas quelque chose d'extrême droite, ni d'extrême gauche, ni voilà. Le développement des infrastructures et des modes alternatifs de transport. Bon, ça peut être le mouvement breton, ça peut être les écolos, bon, c'est pas non plus, voilà. Le développement des énergies renouvelables, bon, alors aussi, c'est plutôt une revendication des écologistes. Une relocalisation de la finance. Alors moi, je ne comprenais pas ce que c'était que ça, qu'est-ce que ça voulait dire que ça. Donc, comme j'ai rencontré un jour Christian Dranet, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il m'a dit, c'est l'idée que l'épargne bretonne, au lieu de servir des investissements hors de Bretagne, reste en Bretagne et serve des investissements en Bretagne. Alors là, ça, on peut l'interpréter de deux façons. C'est-à-dire, on peut dire, c'est une vieille revendication du mouvement breton. Là, donc c'est sûr, il y a une revendication du mouvement breton. Mais on peut dire, d'un autre côté, mais ça, c'est pas du tout républicain, donc c'est une revendication de droite, etc. Donc c'est discutable, je vous laisse l'apprécier. L'officialisation de la langue et de la culture bretonne, mouvement breton encore. On sent que quand même le mouvement breton a mis en quelque sorte son grappin sur le mouvement des Bonnets Rouges. Le renforcement de l'expérimentation, qu'est-ce que c'est ça? C'est en fait la revendication d'autonomie pour la Bretagne. C'est encore le mouvement breton. Le dialogue et la transparence. Alors là, je ne sais pas ce que c'est que ça, le dialogue et la transparence. Je ne sais pas. Voilà. Que la Bretagne se dote de ses propres médias audiovisuels, et c'est encore le mouvement breton. Et alors, il y a quatre demandes fondatrices du mouvement. La suppression définitive de l'écotaxe, bon, ça c'était le point de fixation de la manifestation. La fin du dumping social, ça ce serait plutôt l'influence du syndicalisme. Je pense que là on voit la présence du syndicalisme. La fin de l'avalanche de normes et de contraintes administratives, là par contre, on reconnaît plutôt la CGPME, le MEDEF, donc c'est plutôt une revendication de la droite. Et la relocalisation des décisions en Bretagne, bon, ça c'est plutôt le mouvement breton. Voilà, dans ces revendications. Ces revendications sont fondées sur des doléances qui ont été recueillies, mais vous voyez bien que entre le fait d'aller manifester et puis écrire une doléance, c'est pas la même démarche. C'est sûrement pas les mêmes qui ont été manifestés à Quimper et ceux qui ont fait des doléances. Certainement que le mouvement breton, donc qui a quand même beaucoup d'intellectuels, beaucoup de professions intermédiaires, etc., il a fortement participé aux doléances, alors que les ouvriers qui avaient été manifestés, ils n'ont rien à foutre de leurs doléances, ou bien, voilà, je ne sais pas, certains d'entre eux en tout cas, on ne sent pas beaucoup leur influence. Alors maintenant, je termine la réponse, maintenant, que sont les Bonnets Rouges devenus aujourd'hui? Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même eu, en 2014 ou 2015, il y a quand même eu des agriculteurs légumiers qui ont attaqué la préfecture de Morlaix, qui ont mis le feu aussi à la MSA. Donc les agriculteurs légumiers sont prêts à réutiliser cette symbolique si ça leur est utile, mais ils ne le font pas si ça ne leur est pas utile. Le mouvement ouvrier, je pense, ne va plus y recourir. Et donc il reste, je pense, des gens du mouvement breton qui ne sont pas d'extrême droite, tout, et puis des gens d'extrême droite, parce que n'importe qui peut mettre un bonnet rouge sur la tête, quoi. Et donc vous allez trouver des gens, là vous allez trouver encore plus, je dirais, le risque que d'une manipulation, puisqu'on n'a plus une foule dense, on a des effectifs beaucoup plus restreints, et donc la présence des gens d'extrême droite risque de se voir davantage. Voilà ce que je peux dire. C'est un peu la suite de cette idée, en fait, sur l'après-mouvement, on va dire que on existe vraiment de point de vue à Carhaix. Passer carré, il n'y a plus grand chose, il y a une tentative d'états généraux, faire des comités locaux. Et en fait, dans les comités locaux, ce qu'on observe simplement, c'est que l'identité politique de la Bretagne, en termes territoriales, elle se retransmet dans les comités locaux. C'est-à-dire que les comités locaux Bonnets Rouges, qui sont, comme on dit, la diagonale contestatrice, Sud-Finistère, Lorient, Montagne-Noire, Mont-d'Arrêt, jusqu'au Tagore, là, c'est des comités locaux où il y a pas mal de gens orientés à gauche. Par contre, si c'est d'autres territoires où c'est plus marqué à droite, dans les comités locaux, ça sera plus marqué à droite. Et sur la récupération par extrême droite, on va dire que. Oui, à partir comme Alsao, par exemple, ils ont essayé de récupérer, de suivre cet élan-là, extrême droite bretonne, de récupérer les Bonnets Rouges. En même temps, 22 février 2014, à Nantes, grande manifestation contre l'aéroport, très très à gauche, il y avait beaucoup de Bonnets Rouges, il y avait Christian Tradec. Enfin, on ne peut pas mettre de règles en fait, là-dessus, sur l'extrême droite, on aurait réussi à percer à travers ça, non, absolument pas. En fait, aujourd'hui, il reste 50 personnes sans qu'ils sont revendiqués. Ça ne va rien dire. Justement, là, entre Quimper et Carhaix, est-ce que justement les détenteurs du monopole de la parole légitime, on a vu Mélenchon et aussi tous ces gens-là, ils n'ont pas réussi à mettre un coin. Et justement, c'est là qu'en fait... Ah non, non, je ne suis pas d'accord. J'ai fait quelque chose aussi que j'ai, qui ne rentrait pas là tellement, mais enfin, qu'on pourrait faire, que vous pouvez tous faire. Vous allez sur Google Images et vous cherchez bonnet rouge. Si vous enlevez tout ce qui est les photos des bonnets rouges, vous regardez les dessins d'humour, et souvent les chroniqueurs de presse sont des gens de gauche, vous allez voir que 95% des illustrations humoristiques à propos des bonnets rouges, sont des illustrations qui sont dans cette idée-là. Les bonnets rouges, c'est les complices de la FNSEA, des patrons, ils sont manipulés. C'est vraiment ça qui domine. Donc je dirais que la bataille symbolique, elle a été gagnée par des gens comme Mélenchon. C'est ça qui l'emporte. Elle est gagnée aussi. Du coup, je vais aller contre ton idée par rapport à ce que j'ai trouvé dans mon étude, vraiment que sur l'agriculteur, la manipulation politique et patronale. Moi, ce que j'ai pu trouver donc, en discutant avec l'agriculteur, c'est qu'effectivement, l'agroalimentaire et les syndicats mettaient une réelle pression sur les agriculteurs pour qu'ils aillent manifester. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas franchement le choix, sans s'ils étaient pour, contre ou autre, on leur donnait l'ordre d'y aller. Oui, pour les agriculteurs, je suis voilà, d'accord. Voilà, sur les légumiers, c'était vraiment Pour les agriculteurs, je peux même dire que j'ai entendu dire que quelqu'un et de source bien informée, quelqu'un était arrivé livrer ses légumes à la SICA, on lui a dit, tiens, mais on t'a pas vu toi hier, tu repasses. Ils envoyaient des SMS à tous les non-manifestants. Il y a effectivement une pression sur les légumes, je suis tout à fait d'accord. C'est pour les ouvriers que je trouvais bon. Puis même pour la foule qui était là, dire que tout le monde était manipulé, ça me paraissait excessif. Et l'autre question que j'avais à te poser, c'est est-ce que tu as superposé la diagonale contestataire avec la carte de l'industrie agroalimentaire? Parce que j'ai l'impression que ça se suit quand même, en fait. Que les gros pôles agroalimentaires sont sur la diagonale. Je sais pas. Non, ce qu'on peut voir, c'est la carte des plans sociaux. Donc tu vois, il y en a eu quand même un peu partout. Mais quand même, il y a une forte dose en Finistère. Est-ce qu'on a eu des éléments sur finalement ce qui était le patronat? Parce qu'on en parle globalement. En disant que ça a été manipulé par le patronat. Vous avez signalé qu'il y avait un rôle important au démarrage du patronat. Est-ce qu'on a des appréciations un peu nuancées sur le type de patronat qui a lancé le mouvement. Est-ce qu'il a été question d'organisation particulière, par exemple? Et ensuite, quand il y a une mobilisation plus générale, est-ce qu'il y a eu des approches de façon un peu plus nuancées sur ce qu'était le patronat? Parce que moi, je me suis beaucoup, dans mes recherches, je me suis beaucoup intéressée à la question. Dans une approche de sociologie économique, je me suis pas mal intéressée à des notions de tissu, aux notions de tissu. À la différence d'une approche plus marxiste, par exemple. Hein. Et je m'étais beaucoup intéressée à l'approche des sociologues italiens sur les approches districales, les mutations qu'il y a eu dans les tissus économiques, parce que finalement, il y avait... Une variété finalement d'entreprises beaucoup plus grandes que ce qu'on imagine comme étant les grandes entreprises, et notamment parfois des rôles des PME, voire des tissus artisans. Et dans l'histoire de la Bretagne, on sait que il y a eu cette crise, effectivement, ce virage de la révolution industrielle qui n'a pas été pris, mais la réponse a été en partie l'existence quand même d'un tissu de PME qui existait, plus un processus de décentralisation où ça a plutôt effectivement été des grandes entreprises. Donc on a un peu un mix en Bretagne de ces types de tissus, je pense, même si les centres décisionnels ont plutôt été à l'extérieur. Et on sait aussi effectivement le poids du secteur primaire en Bretagne, l'agriculture, les paysans, la pêche aussi, même si elle a beaucoup diminué. Donc moi j'avais un regard, mais j'ai pas suivi en fait les informations, si ce n'est que ça m'a beaucoup interpellée, et que j'étais aussi très frappée par le regard très très négatif qui était posé sur le mouvement. Je me suis demandé s'il n'y avait pas quand même quelque chose qui était du registre la mobilisation d'un tissu, d'un tissu socio-économique et pas simplement d'un regard en termes de manipulation, disons, du patronat sur les groupes ouvriers. Hein, voilà. Moi, je me suis posé cette question-là. Quoi. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui était du registre, en fait, d'un sursaut d'un tissu, bon, avec toute sa variété, toute sa complexité. C'est une bonne question, mais c'est très dur d'y répondre. Oui, oui, oui. Parce que ce que vous dites, c'est exactement ce que disent les bonnets rouges, ce que disaient les bonnets rouges à ce moment-là. Ils disaient, c'est tout le tissu de la société bretonne qui réagit par rapport à des menaces. Et donc il disait, bon, il y a là des petits artisans, des dirigeants de PME, pourquoi ils ne seraient pas là à nos côtés? Voilà ce que disent les bonnets rouges. Alors historiquement, historiquement si je peux dire, dans les tout débuts du mouvement, il y a eu vraiment une réflexion de chefs d'entreprise qui ne sont pas... il y a la CGPME qui est associée très tôt, mais il y a aussi des gens, des grands distributeurs... je pense que l'Escarmoire est là, je pense que enfin, tous les grands distributeurs sont là, se retrouvent. Alors, où est-ce que ça s'est passé au tout début? Mystère, je suppose qu'il a pu se passer à l'Institut de Locarne ou quelque chose comme ça, au tout début. En tout cas, il y a eu une réunion à Pontivy, alors je peux vous retrouver ça, j'ai la référence, il y a eu une réunion à Pontivy où le patronat, donc représenté par les produits en Bretagne notamment, dit voilà, il va falloir lutter. Donc il y a au départ une réflexion stratégique pour comment lancer un mouvement contre les écotaxes. Là c'est clair, c'est pensé, c'est structuré par des chefs d'entreprise et qui ne sont pas seulement des gens de PME. Mais bon, c'est pas eux qui ont été manifestés après. Et donc dans les manifestants, je ne sais pas comment procéder, mais il y avait des petits patrons qui étaient là aux côtés des manifestants. Hein, ça c'est certain, mais dans quelle proportion, c'est très difficile à mesurer. Et puis je vous dis, ce propos-là, c'est le propos que tient le mouvement des bonnets rouges. Je dis, nous, on représente on représentait le tissu social. Mais juste un mot, tenter un parallèle. On parlait tout à l'heure du côté hétéroclite et composite de bonnets rouges, qui est évident, mais en même temps, c'est assez intéressant de faire le parallèle avec le Célib, parce que n'a-t-on pas dit du Célib que c'était aussi une chimère quand il s'est créé, composé de gens qui, par nature, n'auraient jamais dû se retrouver autour de la même table, et pourtant, on a vu le résultat. Donc finalement, au lieu de jeter un œil sur les bonnets rouges en tant que monstre contre nature, ne pourrait-on pas le voir aussi comme étant l'expression, je dirais, vitale et presque survivale d'un besoin qui malheureusement n'a pas pu se concrétiser aussi loin qu'avec le Célib. Je ne sais plus qui disait ça, j'avais repris ça un petit peu. On peut avoir une logique de classe ou on peut avoir une logique entre guillemets nationale. Là, c'est un peu l'idée de l'union nationale. Évidemment, quand on est dans un raisonnement de type marxiste ou quand on représente une organisation de gauche, on ne peut pas admettre ça. Si vous voulez, hein. Donc voilà, on a deux visions des choses. Les gens qui disent on défend la société dans son ensemble, c'est inaudible pour quelqu'un qui a un raisonnement marxiste. Donc, oui, on peut faire cette hypothèse, tout à fait. Oui, alors, deux choses sur les analogies et puis sur la réaction négative. Alors, c'est l'analogie, donc, en 1975, donc, l'État n'a plus d'argent. Il y a donc la Gavel, le Parlement de Bretagne, qui verse une somme et la double, je crois, et puis le papier timbré qui arrive. Et donc, l'État est en faillite, et il va le rester jusqu'à la révolution sur les problèmes financiers. Enfin, l'État est en faillite, nos impôts servent à payer les intérêts de la dette, pour payer les fonctionnaires, il n'y a plus de sous, les retraites, etc. Donc, à chaque fois qu'on veut faire un investissement, il faut trouver une recette. Hein, mais, fait gratter. Donc, on est quelque part dans. Au niveau de l'analogie, l'État n'a plus de sous. Avec ce que ça veut dire aussi, une défiance des gens par rapport à l'État. Et lorsque l'État n'assure pas le bien-être des gens, bien, on se croit qu'il fait un vide. Parce que la violence aussi, il y a aussi syndicat qui menaçait de faire sauter leur usine, hein, il n'y a pas longtemps, enfin, ma mémoire est bonne. Hein. Il ne faut pas accorder la violence qu'aux Bretons, elle a lieu aussi dans le sud de la France. C'était pas assez vilain, mais bon, au moins ça a été dit. Quoi. Donc la violence n'est pas propre aux Bretons, elle a été prise par le mouvement ouvrier, autant que par les paysans. Quoi. Et puis maintenant, c'est les réactions négatives. Alors c'est vachement simple lorsque les ouvriers luttent contre les patrons. Ça, c'est... Le problème, c'est que le système communiste, bon, bah, il est tombé, quoi. Donc du Martin est tombé, on va dire ça comme ça. Et donc, on se trouve même dans le mouvement ouvrier avec des niches. Enfin, on n'est pas solidaire forcément. Allez, on va dire des mots sur des fonctionnaires avec des radars. Hein, on s'y retrouve pas. Des pilotes d'avion, une personne qui travaille chez nous dans les magasins réfrigérés à moins 7 degrés, et les instituteurs. Et quelque part, les réactions violentes aussi, c'est. On entend là, c'est comme si la société française, tout d'un coup, dit mais où est-ce qu'on va là? Est-ce qu'on va vers une révolution bientôt? Parce que on sait que la voie des bonnets rouges a été le prémisse à cette révolution. Je vais m'arrêter là parce que. Oui, pardon. Toujours dans la même veine de tenter de réfléchir sur les analogies, les comparaisons, trois titres Marx, dont la dernière risque de faire grincer quelques mâchoires. Au tout début, tu présentes un scepticisme ou une crise morale, financière, etc. etc. Mais 1675-1685, non seulement la Bretagne est mise en ordre par la royauté, mais les dates, c'est le Code Noir, c'est la répudiation de l'édit de Nantes, c'est l'hôpital général. En quelques mois, un dixième de la population de Paris est enfermée. Hein, les pauvres, les fous, les femmes hystériques, etc. Donc, essaye de voir aussi si par hasard, même si l'austérité qui est censée régner en France est beaucoup plus douce que celle. Bon, je referme ça. La deuxième chose. Quand tu as cité Mélenchon qui voyait des prêtres, moi, ce qui m'est venu immédiatement à l'esprit, je ne connais pas Mélenchon, mais j'ai fait aussi des études de soviétologie. Je suis persuadé que le prêtre qu'il voit, c'est le moine Gapone qui emmène la foule en 1905 à Saint-Pétersbourg se faire massacrer, une scène qui est reprise dans Potemkin, et tout le monde sait que Gapone était affilié à l'Okhrana, la police, etc. Donc c'est le moine Gapone qui a vu. c'est évident, si tu veux. Donc on pourrait reprendre, je ne sais pas qu'est-ce qu'a vu Bernard Maris et quelques autres, mais là, dans les espèces de d'émotions trop fortes, les uns et les autres jettent des grilles de lecture qui n'ont rien à voir avec les événements. Et la troisième remarque, moi, qui m'est venue à l'esprit, c'est la contre-manifestation de Bonnet Rouge, je m'excuse, c'est ce que depuis on subit sous le nom de l'esprit du 11 janvier. Toi, tu dis le peuple, c'est la masse des. Mais moi, je suis Charlie, de façon fusionnelle, comme réponse. Pas directe, mais quand même assez forte à la violence ressentie par une partie de la population française des bonnets rouges. Je referme là-dessus. J'ai pas compris. Je dis que, de même, grosso modo, puisqu'on continue à faire le jeu des comparaisons, qu'à la fin de mai-juin 1968, on fait sortir 1 million de Français à Paris aussi, etc. Et de même, je peux penser que les grandes manifestations et revendiquées et la légitimation et après de l'esprit du 11 janvier, donc dans d'une unité fusionnelle, est une riposte à ce qui a été ressenti sans doute comme une révolte communautariste, etc. Je ne vais pas reprendre. Donc, toutes les comparaisons qu'on est en train de faire sont doivent être testées. Et voilà trois points que je vous ai proposés. Mélenchon a vu les Gwenadus de la Manif pour tous défiler à Quimper et il a fait la fusion. Voilà. Oui, l'idée, c'est qu'il y a de bons politiques de Paris. Il y avait aussi ça. Je pense qu'il y avait une chose insupportable pour ces gens-là, Bernard Maris et tout ça, c'est qu'il y avait un projet émancipateur Eh ben oui, ça ne partait pas de Paris. Et pour eux, c'est insupportable, je crois, qu'il y ait un vrai. Qu'il se passe quelque chose de, ailleurs qu'à Paris. Quoi. Et pas quelque chose de libérateur, mais que ce ne soit pas eux qui y soient. Ah ben c'est insupportable. Voilà. Oui, tu as parlé de Brubeck, et finalement, tu n'as pas trop développé les propos de Brubeck. Mais à mon avis, ce mouvement de Bonnet Rouge illustre assez bien les idées de Brubeck dans la mesure où on a affaire à la mondialisation, que cette mondialisation n'est pas comprise par ceux qui vivent encore sous les paradigmes de la société industrielle. Et Brubeck montre qu'on a dépassé cette société industrielle, qu'on est dans des sociétés du risque, et que donc les conflits politiques antérieurs sont en train de se transformer. Par exemple, nos représentants politiques sont souvent attaqués, bon, les journaux s'acharnent sur eux, mais on s'aperçoit de leur faiblesse. C'est-à-dire que, en fin de compte, les attaques contre les politiciens professionnels vont plutôt être des attaques un peu à côté, parce que ces gens, souvent, sont désarmés dans les enjeux qui se produisent actuellement. Et on en voit aussi un exemple avec ce tissu dont tu parlais. En fin de compte, dans le tissu économique, les enjeux sont tout à fait différents. Ce n'est plus simplement un conflit de classe ou de patrons. C'est que beaucoup de ces patrons, que ce soit les patrons pêcheurs, que ce soit les agriculteurs, sont en train de disparaître. Où on sont en train de lutter eux-mêmes dans des nouveaux mouvements économiques qui les dépassent largement. Et donc, on s'aperçoit ici qu'il y a une assez grande faiblesse politique et qu'il y a des nouveaux mouvements sociaux qui se développent. Alors, l'interrogation que j'ai, c'est comment on pourrait les appeler, ces nouveaux mouvements sociaux. Beck parle de sous-politique, mais en fin de compte, c'est insatisfaisant. Enfin, comment on pourrait appeler ces nouveaux mouvements sociaux ? D'autant qu'il y a déjà l'expression nouveaux mouvements sociaux qui existent. Qui oui, mais bon, c'est un peu facile de parler de nouveaux mouvements sociaux. Et comment on pourrait désigner un peu ce genre de mouvement, quoi ? Ah, c'est, là, c'est difficile parce que ça n'a pas duré, quoi, donc c'est difficile même. Voilà, on pourrait plus facilement trouver. Ça fait un peu une éruption, quoi. Une éruption de colère. Avec un ancrage territorial. Oui, mais avec un ancrage territorial fort, mais c'est... On s'aperçoit qu'il y a une recomposition des coalitions. C'est ça qu'il faudrait désigner, mieux travailler, quoi, cette recomposition des coalitions. Mais qui a été brève, quoi, parce qu'on a vu tout de suite le pôle ouvrier qui s'en va, donc c'est vraiment difficile de définir. Il y a eu une issue, hein, puisqu'on a retiré les... Ah oui, alors l'objectif numéro 1 a été atteint. L'objectif numéro 1 a été atteint, puisque voilà, les portiques ont été retirés et la politique a été reportée sine die. Donc, si je peux me permettre de jouer le rôle de modérateur restaurateur, une dernière question peut-être, et puis après on y va, parce que le temps de. J'ai dit 13h10. Il faut qu'on y aille. Que si tous ces gens-là avaient suivi le diplôme d'études celtiques, on n'en serait pas là. Des traces dans les discours actuels. Aujourd'hui, on aurait conservé en tête une quasiment politique. On voit plus beaucoup d'espace. Sans faire de référence directe, mais est-ce que ça a. En tout cas, été traduit dans un discours la très sincère et pas, mais qui permet d'affronter les campagnes électorales, d'insister les revendications. On ne le sent pas. Non, je pense que c'est plutôt quelque chose. Il a avancé pendant les bonnets rouges et il est en train de chercher des signatures pour l'élection présidentielle. Non, mais d'accord. Bon, un candidat qui a présenté. les mouvements de... C'est une inauguration par 3D. Voilà, Kradem a bien tiré son épingle à jeu, c'est sûr. Dans les discours partisans ou dans les discours... Non, mais par contre, quand même, sur le fond, c'est, je sais plus, c'est l'Ipsos ou quoi, a fait une étude, et elle dit la colère bretonne n'a pas disparu, elle est durable. Donc c'est intéressant, ça. Elle dit sur le fond, voilà, il n'y a plus de mouvement, mais il y a le substrat toujours là. Je crois que du coup la colère, elle n'est pas forcément populaire, mais elle n'est pas forcément...